Myself to my favorite song. That's hey. Head to the party tonight, just to link with my favorite gang. Harder. Favorite vibe, man. Favorite woman, watch it. You know what's the plan? How we do? Hey. Straight off the jumbo jet. Hey, straight off the jumbo jet. Man, straight off the jumbo jet. Yeah, straight off the jumbo jet. Straight from the airport, straight into it. Yeah, straight off the jumbo jet. Yeah, straight off the jumbo jet. Straight off the jumbo jet. Straight off the plane. Le Before, pendant une heure, Tijo Sound mix tes hits préférés sur Trace FM. Big up Tijo Sound, Big Bad DJ. Oh oh. Allô? Hey baby, allô? J'espère que je vous dérange. Je n'ai pas pu me retenir, je sais qu'on s'est quitté à longtemps. J'ai toujours ton numéro, je le connais comme mon nom. J'hésitais mais fuck qu'on est beau, de t'entendre je suis content. On m'a dit que t'as un enfant, je suppose qu'il s'appelle Adam. C'est ce qu'on s'était promis, jamais je n'oublie. Un fils ou une fille, si j'avais mon CD, même si c'est fini. Penses-tu à moi dans ton lit? A-t-il le secret qui te fait gémir? Mon cou noir, les gens d'un jour te voient rougir. Baby, j'suis tellement désolé. Insulte-moi en face, rien qu'une fois en face. Putain, j'ai la rage. T'as-tu déjà giflé? J'ai des creux, ça rase. Oh, j'ai des creux, ça rase. Yo, passe-moi le phone, c'est qui là? Non, play a tune, play a tune. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. Money, yeah. No matter diamond, so so so. No lady so, just so so so. Stop, come out, don't waste me time. To me say play your thing, that part of mine. Me want mal and we play a good rhyme. And big tune line after line. No bother make mal and you make me strong. I will never do you wrong. Mommy, won't let you down. Oh, I wanna give you a crown. Do any weather, you won't be alone. Things will get better. You are my bad girlfriend, but me know say me look better than them. Me a who alone and I know from when. You say you are good, this me think again. All I really wanna do is love you. When a bag of friends tell me not trust you, all I really wanna do is love you. Me not theater where them say me have to touch you. Them whiner make you can't lift me. Me put the S-E-X in a sexy. Look how me look good, yes I ask. Bubble bubble me a bubble like she a cup of Pepsi. Them girl in a know nothing about me. At a damn fire not a water fi owe me. Wine me a wine in a theater fi none of you. Why did you call me? Money you fi make make. Money money if you make make. Money man a look so. Money money man a look so. Money yeah man. Money if money if you make make. Push it. Money man a look so. Money man a look so. Money book it. Money if money if money if money if you make make. Push it. Money man a look man a look. Money man a look so. Songs like these like people them it. And also to my flow them up them to me patana me stella me domina just to get the autograph. They're a pussy, mommy proud of you. Any man you fucking want to fuck up. Les mix de Dijon Sound font claquer le bifort sur Trace FM. It's about that time. What time is it? Aïe, bon Dieu! Vite, on a qu'une fenêtre de tir de 30 secondes! On s'équipe, les gars! Appuie sur le bouton! Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons! C'est parti! C'est nous! Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne! Nessie, c'est la brute épaisse! Pourquoi? Moi, pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons. Sabri, c'est un vrai génie. Et moi, c'est nous, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Ah, bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Génération 9-7. Une nouvelle semaine démarre et on est là! Bonsoir! Salut! Mada, Guada, Yana, une chose, le soir, vous n'avez plus le choix! Ici, c'est la libre antenne des auditeurs! Merci d'accueillir à nos côtés ce soir, Mr. Sabri! Wouhou! Salut tout le monde! Yo, salut Sabri! Il a déconnecté son micro, je sais pas comment il a fait. On a Chocolat également, on a Miss Choco qui est là ce soir dans la Trace Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está bien. Muy bien, Santo Domingo. ¿Cómo estás, Santo Domingo? Hein? Está bien. Enfin bref, tu connais que les rudiments, les premières phrases. On a Nessie également qui est avec nous. Salut. Mister Hugo. Yo. Kishi de retour avec moins 30 kilos. On applaudit les amis. Moins 30 kilos. Je flotte dans mon pantalon, les gars. Mais ouais, mais mec, mais t'as perdu, ça se voit trop, frère. Tu sais quoi, ça se voit trop, quoi. Vas-y, mets-toi debout. C'est bon, là? C'est bon? Putain, c'est incroyable, frère. Il faut une deuxième gastro. En fait, c'est incroyable. C'est un t-shirt XXXXL qu'il a sur lui, alors qu'un triple XL suffirait, en fait. C'est un truc de dingue. Il faut une deuxième gastro pour... Ah putain, regarde la meuf qui veut perdre un peu de poids en ce moment. Comment elle est intéressée. Qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as perdu autant? Chirurgie esthétique? Non, ça s'appelle la cacarelle. La titite. La tourista. C'est pas exactement pareil, mais bon. Ah bon? Non. Ah non, pour moi c'est la même chose. Non, la tourista. Tu peux pas avoir la tourista chez toi. C'est bizarre quand même d'avoir la tourista chez toi. Bonjour, vous êtes résident ou vous êtes touriste? Non, parce que c'est pas pareil, on vous donne pas la même maladie. Vous aurez les mêmes symptômes par contre, hein. On vous couillonne pas sur la qualité. Vous serez, vous irez une fois aux toilettes, mais vous y resterez toute la semaine. Ben, tourista. Rwanda ou gastro-entérite. Bref, ça va mieux? Beaucoup mieux. C'est plus contagieux? Je sais pas. Dis-moi bien. Alors, moi j'ai lu un truc à propos de la gastro-entérite qui m'a fait flipper. En fait, j'ai compris que en fait, c'est très difficile d'y échapper. Ça, c'est le premier truc qui m'a fait flipper. Je me suis dit, putain, premier truc, déjà, quand il y a pas mal de gens infectés autour de toi, en fait, c'est une espèce de réaction en chaîne, donc tu peux avoir une véritable épidémie. D'où le fait que les scientifiques disaient que le pic, en fait, de l'épidémie de la gastro-entérite aux Antilles-Guyane, c'était entre ce week-end, c'était entre le milieu de semaine dernière, par contre, et le début de semaine aujourd'hui. Donc tu te dis, à un moment ou un autre, tu vas y passer. Mais le deuxième truc qui m'a vraiment fait flipper, c'est presque le truc principal, vous savez comment ça se contracte ou pas? Ils appellent ça, par contre, contagion oro-fécale. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Ouais. Oro, je connais. Ouais. Fécale aussi. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, grosso modo, c'est quand tu portes tes mains à ta bouche et qu'il y a un petit peu de fécale dessus. Attends. Si c'était seulement ça. Non, parce que c'est pas toi qui te l'ai refilé. C'est pas ton fécale. C'est une autre personne c'est qui te l'a refilé. C'est quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que t'as été en contact avec le fécale. Ça veut dire que quand tu touches un truc, par exemple, et que t'es contagieux de la gastro-entérite en fait, et que quelqu'un passe derrière, eh ben il a des petites particules de ton fécal sur ses mains. Voilà. Et puis après, il met ça dans sa bouche. Voilà. Et puis après, tu tombes malade. Et puis après, pareil, il paraît qu'il faut brûler les draps dans lesquels tu dors. Il paraît que même les serviettes de toilette ou machin, etc. Vous imaginez, moi, il y a un truc, la semaine dernière, j'ai échappé à la gastro-entérite, hein, je sais pas pour vous, mais j'ai observé tous les trucs, tous les points de contact. J'étais un vrai psychopathe la semaine dernière. J'ai regardé la serviette, tu sais, qu'on met juste à côté du lavabo dans les toilettes, et je me suis dit non, jamais, je préfère m'essuyer dans mon pantalon. Oh, c'est pas non, mieux. Mais tu t'essuies avec les. Enfin, après, peut-être laver les mains. Ouais. Parce que l'une des manières d'éviter la gastro-entérite, effectivement, c'est de se laver particulièrement beaucoup les mains. Et moi je me lave beaucoup les mains. Ouais. Tout le temps. Mais ça annule. Mais alors, vous dites bonjour aux gens les gars. C'est vrai en plus. Je dis bonjour. Mais c'est pareil pour la et grippe. Et pire, il y a certains endroits où ils tapent deux fois. Oui. Pour bien transmettre, tu vois, la première fois, on tape une deuxième fois. Comment tu vas? Ah ouais, frérot, pas check deux fois. Ou tu fais que check. Peut-être qu'il faut. Alors le check, c'est relativement propre quand même. Le check, c'est relativement propre. Ah, sauf si tu te grattes le nez comme tu viens de faire avec l'index. Non, mais après, le problème, c'est que nous, on a forcément des trucs en commun, tu sais, avec le reste de l'équipe. Imagine que quelqu'un ait la grippe, de toute façon, tout le studio l'aura. Ouais, ça, imagine c'est que quelqu'un ait la gastro-entérite. Mais ça, c'est parce qu'on couche trop ensemble, c'est pour ça. Perso, moi. Non, t'es pas là. Ah non. Non, vous non plus. Je suis tout seul à coucher avec toi. Ah oui, tout seul, tu es tout seul. Ouais, mais tu es le seul d'ailleurs dans ton tête, hein. Dans ton imagination. Bref, au programme de la soirée ce soir, premier auditeur, auditrice. Elle s'appelle Priscilla. Bonsoir Priscilla, comment ça va? Tranquille, en forme. Tiens, je fais un petit checkpoint rapide. La santé, ça va bien. La rentrée, ça va bien. Priscilla, comment tu vas? Ça va. Merci beaucoup, et vous tous? Bah écoute, je check un peu comme ça pour prendre des nouvelles, ça me fait plaisir. Tu vas nous parler de quoi? T'es là pour le sujet, je crois. Oui. En une phrase, en fait, si on résume ta situation en une phrase. Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur. Bah, dans les grandes lignes. En fait, mon meilleur ami se fait martyriser par sa copine, je dirais. Martyrisé par sa copine? Ça ressemble à un sketch, voilà. Hein, déjà d'emblée, tu nous mets dans le bain là, ça ressemble à un sketch. C'est vrai que quelque part, ça fait toujours sourire quand on se dit un mec se fait martyriser par sa copine. Tu veux dire sa nana est violente avec lui ou genre elle l'humilie, ce genre de truc? Ben, en fait, c'est surtout que le problème, c'est que je remarque qu'il n'est plus le même depuis quelque temps, limite dépressif. Et je sais que ça a cause d'elle, quoi, en fait. Enfin, elle ne martyrise pas dans le côté, certes, violent. C'est psychologique, en fait. Voilà, quoi, ça l'atteint, quoi. En fait, en gros, tu nous appelles pour dire que ton pote, eh ben, il n'est pas heureux dans son couple, en fait. Voilà, tout à fait. Et il est en train de rentrer dans une dépression. Oh. Et c'est pas sévère, mais je vois qu'en tout cas, il a changé, en tout cas. D'accord, ok. Tu vas nous expliquer ça en détail dans un petit instant. T'as déjà une question? T'as déjà un truc sur lequel tu veux qu'on réfléchisse? On sait jamais, hein, des fois que tu sais, entre le moment où on mixe, on est un éclair de lucidité, je sais pas. Une question? Bah, est-ce que c'est normal dans un couple, les gars sont obligés de demander la permission de sortir à sa copine? Oui, c'est normal. Ben oui. Question suivante. Alors moi, pas je... la permission, mais prévenir. Alors moi, je partage pas. Franchement, honnêtement, je partage pas. Mais c'est rigolo parce qu'il y a trois personnes qui ont réagi, trois personnes qui ont réagi différemment. Tu sais, Sabri, lui, il est obligé de demander la permission à sa copine et au moins 15 jours auparavant. Et attention, en cas de refus, il a intérêt à rester chez lui. Dans le cas de Nessie, attention. Oui, je veux qu'il me demande la permission. Mais non, c'est pas vraiment une permission. Non, c'est juste qu'il me prévienne, quoi. Bah oui, mais en fait, en réalité, c'est un vrai réflexe de psychopathe. Donc elle veut savoir. Et moi, je trouve pas ça normal de tenir au courant où que j'aille. Tu... Donc tu vas n'importe où, tu dis jamais à ta copine. T'as vu la pub pour le ça nouveau parfum pas. Là ? Comment il s'appelle le nouveau parfum là ? Il y a un nouveau parfum. Je sais plus si c'est un diesel ou un truc comme ça. Il va embrasser une nana. Au moment où il se prépare à embrasser la nana, tu sais, la nana elle est toute. Tu vois, elle est dans tous ses états et tout. Et puis elle penche la tête vers lui et puis il fait attends, il faut que tu saches quelque chose. Tu ne sauras pas toujours où je suis. Je serai à différents endroits en train de parcourir la planète. Mais tu seras toujours la seule que j'aime. Maintenant que tu sais, tu fais ton choix. Et là, la meuf, elle l'embrasse. C'est un nouveau diesel. C'est une publicité, Yannick. Il y a des gens qui vivent vraiment comme ça. Dommage pour ton copain. Il a pas encore vu cette publicité à la télé. On revient avec Tijou également, qui est avec nous derrière les platines ce soir dans la Trace Radio, comme tous les soirs. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On va se poser un petit Geno et Pandemac avec Mike, avec Maman Capléré. On va revenir juste après. On va demander un petit peu aux auditeurs d'ici là. On revient avec du Hey Baby Allo. Il y a du Cocotteur aussi. Et puis on va jouer évidemment pour votre paire de Air Max. Deux titres à guetter. Ouais, c'est 7 titres de Cécile enchaînés à Yuji Mister Easy. Yes, on revient dans un petit instant. Bougez pas. What the fuck, man? Hypothèque et via pour inutile ou disquette. Autour de toi beaucoup parleront bien combien disent vrai. Moi y'en connais ta civile, moi soutien la paix. Ni pour en raison bête, moi ou la conduit le pète. Sans mi en fin pas gagner, la compagne qui en peut pas bête. Bon déjà elle est moi, non sans mi en peut pas bête. Quand même maman capéré, blesse au fin de cacher à d'un tiroir. Ouais de ça chaud donc ça dingue. I don't skate ni des fell ni wow. Amagam pour combien grammes, mi fois centimes, en nouveau histoire. Ni fusil, ni couteau, ni sans mi tout pour n'a qu'à crier. Ouais maman d'autres fois j'ai qui cisé au pas loin. Ni piqui ni portable la marasoie. Ni vol et braquage au pays tous les soirs. Mouvement illicite pendant plein mon en reçoit. Au paiement des bâches fixe à monopoly. Qu'elle a commencé au gauche qui paraît sa police. Tête la carré des verres, il pas caramouli. Pas cocaïne, on fait pas molly. Sans substance sur buté devient un acte héroïque. Chez nous le marchand ça vole la coca et l'héroïne. Ma jeunesse attention ne supporte plus les moqueries. La rage dans le cœur, les yeux couleurs hémoglobine. Cette hygiène la calé véchoué, et les grands panis combinent. Sous mes trouvignons ta faveur espoir et qu'on y combine. Des pions ça mouvant, bienvenue sur mon île. C'est juste la même histoire qu'avec dans différents communes. Bois d'où pas gagner qui la caravelle à ses photos profil. On sent étonné à un petit bruit un peu profil. Chaque son qui écrit, c'est mis ça confirme. J'ai mis en panique un des capois qui infirme. C'est MG man nous j'acconnette. Même à Citrap nous qu'on poète. Ou VD connaît nous Wipolet. Comment qu'on pixel les codec. Même face à la bêtise on reste correct. Y'a qui pour mon ligne un café collet. Eve les collègues nous café collect. Mon money gagne toujours comme mon ligne. Mon gros ça a pas l'an. Moi du ok fou on balle en plein tête. Maman désespérée, j'ai l'aspiré mettre mes cités. Pas hypothéqué via pour inutile ou disquette. Autour de toi beaucoup parleront bien combien disent vrai. Moi y'en connais ta civile, moins soutien ni la quête. Mi pour en raison bête, moi ou la conduit le pète. Zami en fin pas gagner, l'en comprenne qui en peut pas bête. Bon déjà elle est moins, non zami en peut pas bête. Génération 97, le soir, prends la parole sur Trace FM 0820 203 200. Appel et exprime-toi en direct. En direct. Et sur Trace FM, n'oubliez pas que votre paire de Air Max se gagne toute la journée. C'est le double hit, 7 titres de Cécile enchaînés à Yuji et Mister Easy qu'il faut guetter. Les deux titres peuvent débarquer à n'importe quel moment avant la fin de l'émission. On parlera également dans l'émission ce soir. On parlera de...

cocaïne, c'est ta peau. Dans ton cul comme un cerce. Tu repars sans les marrons. Railroad warrior in the place. Ils seront toujours dans le bateau. Tu demandes encore qui sont les best. Neuf de Igen et Ralpo. Je rentre dans le club, j'ai les yeux blancs comme des lits. C'est passé, ça lui est le real dawn. Chaque phrase à la patate comme des lits dans mon délit. J'entends un arrêt de la You just bust the front gate. I thank God you came. How many more days could I wait? I make plans with you, and I won't let them fall through. I think I lie for you. I think I die for you. Jealousy cry for you. Do things when you want me to, like controller. Controller, controller, yeah. Okay, you like it when I get aggressive. Tell you to go slower, go faster. Like controller, controller, yeah. Like controller, controller, yeah. And I'm never on a wasting shawty. I do it how you say you want it. Them girls, they just wanna take my money. They don't want me to give you nothing. They don't want you to have nothing. They don't wanna see me find your loving. They don't wanna see me smiling back when they pre-knowing. Guadeloupe, Martinique, Guyane, un coup de gueule. Un délire le soir, exprime-toi librement au 0820-203-200 dans Génération 97 sur Trace FM. Merci d'être avec nous tout à l'heure, il y aura du cocoteur, la hotline du cocoteur, c'est quand on appelle les gens les plus chauds des Antilles-Guyane, ceux qui sont inscrits sur des sites de rencontres. On a fait pareil pour aller à leur rencontre et puis on les chauffe pendant l'émission jusqu'au point culminant. Que ouais c'est... Je sais pas, ça m'a fait bloquer. Ouais. Culminant, on les prend à l'antenne en direct. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820 203 200. Les cocoteurs, ça ressemble à ça. J'aurais voulu de temps en temps une main baladeuse se promener sur mon corps, voilà quoi. Ils sont chefs d'entreprise, parfois collègues, parfois. Mais ils sont très très très chauds du slip. 0820 203 200, l'appel en direct tout à l'heure. D'ici là, hashtag G97, hashtag TraceFM. On est avec la Miss Priscilla. Alors, faut que tu nous expliques un petit peu plus en détail. Parce que, alors, on sait pas trop si tu débarques en fait en direct pour nous dire concrètement, j'ai perdu mon best, je le reconnais plus, ça me fait chier, sa vie change et j'en fais de moins en moins partie. Ou si véritablement t'as un grief contre sa nana. Faut que tu nous expliques ça un petit peu mieux en détail, s'il te plaît, Priscilla. Bah, j'ai aucun grief contre sa meuf, hein. c'est juste, enfin, en soi c'est une fille sympa et tranquille, hein. Mais je le reconnais plus, c'est plus la même personne, on n'a plus le même genre de contact, on ne rigole plus du tout comme avant, enfin, tout a changé quoi. Vous êtes peut-être simplement en train de grandir, de prendre des chemins différents? Non, c'est pas... Je sens que c'est pas ça, parce que... Même, tu sens qu'il s'est passé quelque chose de dramatique, qui a un secret, quoi. Alors, dramatique, je ne sais pas, mais ça arrive que, si je l'appelle, elle va me faire « ouais », et en gros, ça veut dire qu'elle est à côté de lui, quoi. C'est peut-être pire que ça. Peut-être que sa nana, aujourd'hui, il couche avec, peut-être qu'il l'aime, et peut-être qu'en plus, c'est sa meilleure amie. Mais facile. J'avoue, j'ai pas été tendre, j'ai été droit au but. Mais c'est vrai que parfois, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes, une fois qu'ils sont en couple, le reste du monde n'existe plus. Alors, il y en a qui te diront c'est une erreur, il y en a qui te diront non, c'est normal. Ils construisent quelque chose qui va les lier intimement, et peut-être parfois plus intimement aussi qu'un certain nombre de choses qu'on a partagées en tant que best. Et puis peut-être qu'ils manquent de temps, je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Un petit peu plus d'un an. Un an et 6 mois. Il s'éloigne depuis récemment, ou ça fait un sacré bout de temps depuis le départ en fait? Bah, ça fait un petit moment que ça vacille, je dirais. Et peut-être simplement moins disponible, quoi. Moi, je sais pas. J'essaie de regarder dans le studio qui est le genre de mec comme ça à focaliser autour de sa meuf. Non, je pense que ça brille, ça dépend des périodes. Je pense que au début, il a dû faire ça. il est tout le temps en train de négocier, je pense, tu vois, pour avoir une vie sociale. Non, mais c'est juste que je vous aime pas, j'ai pas envie de traîner avec vous. Non, mais on parle pas seulement de nous. On parle à un moment ou à un autre, en fait, c'est simplement des... tu vois, est-ce qu'un couple peut suffire, en fait, à l'épanouissement social de quelqu'un? Je me dis que on a des amis, on les a parfois pour un temps, on les a parfois pour tout le temps. Toi, tu focalises beaucoup sur ton couple, non? T'as un peu coupé les ponts avec pas mal de gens depuis que t'es en couple, non? Comme mon mec est en congé, c'est que lui. J'aime être avec lui. Et quand il est au travail, mes copines sont là. D'accord, ok, en fait. Donc, aux deux, ça fera plaisir. Aux deux, ça fera plaisir d'apprendre qu'ils sont juste des boucherous, en fait, de divertissement c'est pour ça, toi. C'est un truc sur un agenda, quoi. Choco, toi, tu gères ça comment? Ça t'est déjà arrivé, forcément, d'estomper tout le monde, d'oublier tout le monde alors que t'es en couple? Non, jamais. Je suis là par des choses. Ouais. Parce que c'est vrai que j'aime passer du temps avec mon mec. Ouais. Après, y a des gens qui reculent pas pour autant sur leur vie sociale. Y a des gens, par exemple, qui conservent exactement le même statut de leurs amis. Il y a des gens qui sont très copains, en fait, très potes. Ouais. Mais le truc qui m'énerve, en fait, c'est les amis, en fait, qui te pètent les couilles parce que tu les as pas appelés depuis une semaine, parce que tu leur as pas envoyé de message, parce que t'as été une soirée que machin que t'étais pas avec eux, parce que machin. Les vrais amis comprennent. Et ils te reprochent d'être en couple, machin que c'est à cause de ça que tu les as pas vus. Ils t'ont pas envoyé de message, ils t'ont pas appelé, ils sont allés à des endroits sans toi. T'as l'impression d'avoir une deuxième meuf, en fait. Mais c'est ça. Et puis ça te fait des crises à n'importe quel moment. C'est relou. Priscilla veut réagir. On t'écoute. Non, je suis désolée, je vous écoute, mais je vous entends super mal, les gars. Ouais. Je vous entends super, super. Après, je n'ai pas trop compris ce que vous êtes en train de raconter. D'accord. Désolé. On t'envoie un SMS? Ouais, on te fait un résumé. Sur WhatsApp. Sur WhatsApp, ouais. Sur Twitter, ça nous ferait gagner du temps quand même. Ouais, mais il n'y a pas assez de caractère. Non, mais. T'avais quoi comme relation avant? C'était comment avant, en fait? On est amis, on se parle assez souvent. Enfin, le fait qu'il ait une copine, oui, je comprends qu'on se parle moins souvent ou que, bon, voilà, il soit plus avec elle, c'est pas le souci. Mais au fond de son comportement, dans ses agissements, dans sa manière d'être, de parler ou même dans ses projets futurs, il est plus pareil. Ouais, mais il n'a pas le droit de changer, en fait. Il n'a pas le droit de changer, il n'a pas le droit d'évoluer, en fait. Fallait qu'il reste exactement. C'est pas lui, c'est-à-dire que je ne me reconnais pas. Mais c'est pas lui, c'est peut-être plus lui. Peut-être, enfin, je sais pas, à l'échelle d'une vie. T'as quel âge précis? Tu m'as dit 25 ans, c'est ça? Oui. Ok. Il en a 25 aussi. Pardon? Il en a 25 aussi. Non, il en a 26. D'accord, ok. Bref, tout ça pour expliquer, en fait, concrètement, que on change tout au long de notre vie, on évolue, on a des nouveaux points d'intérêt, de nouvelles passions. La personne au fond d'elle, à moins que, enfin, je sais pas si le changement est si radical que tu n'arrives pas à nous le décrire, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de si différent, en fait? À part le fait qu'il te parle pas. Peut-être qu'il parle à quelqu'un d'autre, simplement. Peut-être qu'aujourd'hui. Mais non, justement, il m'a avoué de son propre chef que, bon. Avant, oui, certes, il avait ses amis avec qui il sortait, il bougeait et tout. Et aujourd'hui, plus personne ne... Je vais pas dire que plus personne ne l'appelle, mais aujourd'hui, plus personne se dit, tiens, on va l'appeler parce que, voilà, c'est un gars qui sait s'amuser. Et tu penses que ça lui manque? Ben oui, ah oui. Il me l'a avoué de sa propre bouche, quoi. Ça lui manque de plus voir ses amis, ça lui manque de plus sortir, ça lui manque de vivre, j'ai envie de dire, en fait. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'il doive demander à sa copine s'il peut sortir ou pas. Pour moi, c'est aberrant. C'est du n'importe quoi. Ouais. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'il cherche à savoir si des personnes qui sont dans cette situation où les filles qui exigent que leur copain leur pose la question s'ils peuvent sortir ou pas, je voudrais savoir pourquoi. Parce que je ne comprends pas cet état d'esprit, sachant que lui-même se sent enfermé, se sent en prison, il ne se sent pas libre de ses mouvements. Alors, ça donc, c'est une interprétation ou ça il te l'a avoué qu'il ne se sent pas libre de ses mouvements? Oui. Oui quoi? C'est toi qui tires tes conclusions. Ah d'accord, ok. Quand les gars se sont oppressés, opprimés, ils partent. C'est bon. Je sais pas, il y a des mecs qui prennent du temps aussi à parfois quitter la situation parce qu'ils sont tout le temps en train de se dire ouais, mais finalement j'aime bien. Il y a des mecs maso, c'est certain. Maintenant, c'est pour un temps. Enfin, est-ce que. Enfin, la copine. qu'elle exige un certain nombre de transparence, ça semble complètement normal à plein de gens dans le studio. Moi, je sais pas. J'estime que on est nés séparément. Pareil, les vrais amis, et je rejoins Nessie là-dessus, les vrais amis ou les nanas d'ailleurs avec qui tu t'épanouis en ce qui me concerne, c'est forcément des gens qui te laissent un peu libre. Donc, libre de faire ce que tu veux quand t'en as envie, dans la limite du respect, ok ? À un moment ou à un autre, s'il trouve d'autres personnes avec lesquelles se confier, c'est peut-être normal qu'il y ait un peu moins de choses à t'en dire. Et puis peut-être que beaucoup de gens font cette erreur, une fois qu'ils sont en couple, de se dire, bon, ouais, arrivé, un parvenu, donc... Ils ont quelqu'un, ils ont envie de pas perdre cette personne parce que tu vas partager normalement a priori un certain nombre de choses qui sont tellement de l'ordre de l'intime avec cette personne que tu... Enfin, je pense pas que dès le départ de ta relation, surtout quand ça fait un an, tu espères splitter sur plein de gens, tes confidences, t'espères... C'est pour ça qu'on cherche une personne. C'est pour ça qu'on cherche une seule et unique personne un jour. Peut-être que ça ne suffit pas au final, hein, mais qu'on cherche une seule et unique personne avec qui on peut tout faire. Si aujourd'hui il fait pas tout avec cette copine, c'est son problème. Après que toi, tu aies l'impression de plus être dans le game, t'es sa meilleure amie, et a priori, le jour où il reviendra, où il aura besoin de toi, tu es censé l'être encore, sa meilleure amie. Et moi, il n'y a pas de souci. Et Yannick, je comprends tout ce que tu me dis, mais je sais pas comment vous expliquer la situation, en fait. C'est-à-dire que c'est arrivé à un point où il se posait la question s'il l'aimait encore. Parce que la fille lui prend la tête à tous les niveaux. Elle le gonfle, t'en es certaine? Pardon? T'en es certaine qu'elle le gonfle? Ah oui. Mais le problème, enfin moi ce qui m'énerve, c'est que je trouve trop pacifique dans ses actes. Je lui dis souvent de quand il y a un problème qu'il a qu'à lui en parler, ou je vais pas dire taper du poing sur la table, mais mettre quand même les points sur les i. Parce qu'en gros, dès qu'il n'est pas d'accord, et ben en gros, c'est elle qui s'énerve et genre c'est son idéal qui doit passer. En fait, est-ce que le profil de la meuf, elle ressemble à toutes celles sur laquelle tout ce type de femmes sur lesquelles on fait des vines, où ils font tous des sketchs, par exemple les humoristes, tu sais, les nanas hyper exclusives, hyper possessives, hyper autoritaires. Parce que moi, pour l'instant, j'ai jamais rencontré ce genre de type de femmes. Hein. J'ai l'impression qu'elles existent que dans les vines. Franchement, oui. J'ai envie de vous dire, oui. Ça pas aussi agressif que dans les vines, mais c'est toujours... Elle est lui. Si bien que elle est capable de lui dire de pas sortir parce qu'elle se sent seule à la maison. Et lui, il est obligé de rester. Vous y croyez, vous, à ce couple qui se suffit à lui-même, qui a pas besoin des autres, qui a pas besoin ne serait-ce que une petite soupape de décompression, aller voir les copains, les copines, faire une sortie en cinéma entre potes. Déjà, ce qu'il faut faire, il faut que tous les copains célibataires de ton mec, il faut les caser. Moi, j'ai fait en sorte que ce soit... Bisous à Poupou. Très contente de caser tous les copains de mon mec. Comme ça, après, on sort en couple. Et il n'y a pas d'histoire de... Ah, regarde la fille comme elle est mignonne, tu vois. Ouais, voilà. Tous les gars sont en couple. C'est bien. J'ai l'impression que Nessie, elle ne vit que pour une chose, c'est-à-dire contrôler sa vie et tu sais, évaluer chaque facteur de risque. J'ai l'impression, en fait, que le truc, c'est à un niveau de machiavélisme, c'est impressionnant. Elle a pas tort. Est-ce que tu es possessive? J'accepte qu'il ait comme ses activités, ses amis. Alors, ses amis. Oui. Est-ce que, par exemple, si tu trouvais qu'un de ses amis était un engraineur, par exemple, un mec avec qui la soirée se termine toujours la tête à l'envers, le mec est un peu célibataire, comment tu le prendrais, en fait, que ton mec sorte avec un mec un peu engraineur? J'ai déjà appelé le gars en question. Ouais. Et on règle des comptes, on parle, et puis voilà, ça se règle. Genre, touche pas à mon mec, sinon je... Non, déjà... Ce qui te sert à te reproduire avec les filles, je te lâche. Ah non, mais monsieur flotte dans le fleuve, là. Non, mais il faut vraiment présenter des filles à ce gars-là, pour que ça aille mieux. Alors, pourquoi il peut pas... Parce que, je sais pas, moi, j'aime bien la relation, a priori, quand elle respecte un petit peu l'univers de chacun. Toi, j'ai l'impression que t'as envie de changer cette relation. Ouais, vas-y, Priscilla, tu voulais rajouter quelque chose? Priscilla? Tu voulais dire quelque chose? Oui. Oui, je disais, j'étais en train de réfléchir, mais en fait, pour mieux vous expliquer la situation, c'est-à-dire que j'ai envie de dire qu'elle s'est imposée en fait dans sa vie au fur et à mesure. Mais soyons francs, il y a des mecs à qui ça va très bien, Priscille. Mais si c'est sa meuf, c'est normal aussi. Ça sent bien comme ça. C'est-à-dire que je vais pas dire qu'elle lui a mis le couteau sous la gorge, ce serait abusé, mais qu'elle, dans un sens, c'est pas qu'elle lui a pas laissé le choix, c'est-à-dire qu'il a voulu lui faire plaisir, et vous savez, on vous donnez la main, on vous mange tout le bras jusqu'à l'épaule, quoi. Ouais. En gros, c'est un peu... T'as l'impression qu'il se fait piétiner, qu'aujourd'hui il est plus libre, en fait, dans son couple. Mais si ça lui va, il va rester. S'il a pas la force, à un moment ou à un autre, tu vas pas prendre une décision à sa place, c'est compliqué quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même laisser un peu vivre les gens leur propre vie. Je sais pas. Hugo, toi, la planète, tu penses qu'un couple peut se suffire à lui-même? Ta meuf, elle serait un peu autoritaire, machin, non, etc. Non, franchement, non. T'aurais besoin de tes amis. Il faut qu'il y ait les amis, la famille et le couple, tu vois, les trois piliers. Mais à un moment ou à un autre, quand tu te retrouves avec un pote à toi qui, par exemple, est complètement fusionnel avec sa nana, tu le laisses pas forcément dans son truc, tu vas... Je lui laisse des petits moments. Mais il faut que de temps en temps il soit aussi avec moi, avec le groupe d'amis et tout, quoi. Alors pas exclusif avec sa meuf apparemment, Hugo, mais exclusif avec son pote. Ok, enfin, bon, ok, pourquoi pas. Les gens vous appartiennent pas, en fait, hein. Ils changent, ils évoluent, ils deviennent différents. Parfois on se reconnecte des années après. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. On se retrouve et parfois on se retrouve jamais. Mais je sais pas à quel niveau tu peux intervenir auprès de ton pote, là aujourd'hui précis, pour lui dire, bon bah concrètement, écoute mec, tu vas droit dans le mur. Imagine. Là, tu le trouves pas très heureux, mais imagine que ça lui fasse encore plus de mal de se séparer de cette meuf-là. Parce que quelque part, s'il y reste, c'est qu'il y a quelque chose qui lui convient quand même. Bien sûr. Bah, franchement, à partir du moment où je pense pas qu'il soit, qu'il soit si triste que ça si demain il se séparait, hein. Mais il l'a pas fait. S'il ne l'a toujours pas fait, c'est qu'il est très... Mais moi, j'ai l'impression en fait qu'il a peur. Est-ce qu'il a pas peur? De partir? Soit peur de la meuf en question, ou peur de la perdre. Le mec est terrorisé, tu sais, en fait, monsieur est captif, monsieur en otage, à Kazaï, tranquillement, enfin, sa femme, j'ai l'impression de voir Anaïs Delvol, tu sais, la nana qui fait les vines avec Matt Le Buzz, quand il reçoit, ou quand il like une photo sur Instagram. Ouais, j'ai l'impression de voir cette situation. Les gars, par la fenêtre. Les gars, les nanas qui pètent des crises de jalousie, ok, tu vis avec, mais à un moment ou à un autre, en fait, si véritablement ça lui pesait, il ferait des trucs en douce. Même s'il a pas les couilles, par exemple, de le faire face à sa nana, ou de s'imposer, ou de se faire respecter par sa nana, il ferait des trucs en douce à un moment ou à un autre pour chercher un petit nuage d'oxygène. Et j'ai l'impression que ce nuage d'oxygène, il en a pas besoin, parce que même à toi, il te parle pas, il te raconte pas. Mais si, ça m'est déjà... Mais pour les fois où on parle, on se parle au le moment où il parle du taf. Il me dit souvent que ça peut lui arriver de rester un moment dans sa voiture pour avoir son moment à lui, sa bulle à lui. Et après, bon, ben, c'est parti, on retourne au charbon, quoi. Mais là, on retourne au charbon à la maison. Mais alors, d'après toi, pourquoi est-ce qu'il reste avec la meuf en question? Le lambi. Non, même pas. C'est pas le lambi, c'est toujours avoir du lambi au frigo, c'est pas pareil. Parce que du lambi, tu peux en manger au restaurant aussi. Mais à un moment ou à un autre, quand il est au frigo, tu sais que tu peux en manger quand tu veux. Mais en même temps, j'ai l'impression que vu comment c'est pas lui qui pilote l'histoire, peut-être qu'il en mange pas tant qu'il veut. Non, peut-être que ça l'impressionne, peut-être que ça lui fait du bien, peut-être que ça le cadre aussi. Il y a des gens à qui ça fait du bien, hein. Moi, je suis persuadé. Il y a trop de femmes sur Terre pour qu'un homme se bloque et soit tyrannisé comme ça. Et puis après, En fait, dans un sens, je me dis que il a de la peine pour la fille parce qu'elle voit qu'elle est dans un état d'esprit où elle peut être tellement destructrice envers elle-même que je me dis que peut-être qu'il reste avec elle pour la protéger d'elle-même. Tu fais beaucoup d'interprétations. Ça, c'est ton point de vue. Ça. Alors, est-ce que tu as un exemple précis de ça? Parce que ça, c'est important, ce que tu dis quand même. À un moment ou à un autre, tu es peut-être en train de nous parler d'une nana qui, genre, en fait, le prendrait en otage et lui dirait, grosso modo, ouais, si tu t'en vas, si tu me quittes, je me fous en l'air. C'est ça dont tu es en train de parler, là? Oui, moi j'ai peur de ça. Non mais t'as peur de ça, Jean t'as vu ça dans un film et tu te dis que la fille elle peut faire pareil, on sait jamais. Ou Jean, tu es certaine que la fille est comme ça? Je dirais pas certaine à 100%, peut-être à 85% en tout cas. Bah donc c'est de l'interprétation. Ouais. Et à un moment ou à un autre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Malheureusement, on peut pas déclencher les alertes enlèvement. En couple? Pour les couples et les trucs comme ça. C'est valable que pour les enfants. Choco. En fait, parfois, je me dis que même si qu'on aime ses amis, il faut savoir les laisser, en fait. Ouais, je pense comme les oiseaux. Comme les oiseaux. Non, mais si. Il faut parfois laisser les gens s'aimer à leur façon. Bien sûr, bien sûr. Et puis s'il fait une erreur, faut... Tu sais, c'est un peu comme quand tu... Fais-toi du mal. Ok, là. Ouais, voilà, je serai là pour recoller les morceaux après, bah, si en fait, ça va pas. Le truc, c'est que t'as dire que je pense très... Enfin, parce que c'est récemment, quand on a parlé,

call up on all of my yalla bad. Feel it in the belly best, fall apart. Feel it in the belly best, fall apart. Top shot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, yo, what you say? See me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Fever, buy your punani. Wine, see me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Back shot, somehow you got extra. Forget me not. When it's sweet, yo, what you say? Never see a girl with a bad song yet. We never see a girl with a bad song yet. Tell me never see a girl like you. You want to see a she a ice and wine, ice and wine. Kind of your body for me one more time. Ice and wine, ice and wine, girl. Your skin smooth and your lips. Le soir. No limit. Y a pas de limite. Ça va être quoi le premier jeu de la soirée là? Non. On va jouer à quoi tout à l'heure? Au big quiz. On fait un big quiz d'abord, un petit c'est qui? Vous avez vu ça comment les mecs? C'est qui? Okay. On va vous donner des indices, vous trouvez la personne dont il s'agit évidemment à travers les indices. Plutôt vous trouvez plus gros sont les cadeaux. On cherche une star locale, nationale ou internationale. C'est à vous de nous dire de qui il s'agit. J'ai commencé par être livreur de pizza. J'ai commencé ma carrière au sein d'un groupe des amis de mon quartier. Je me suis fait connaître grâce au net. Qui suis-je? Redis-moi ça. Je me suis fait connaître grâce à Internet. J'ai commencé par être un livreur de pizza. Et ma carrière a commencé au sein d'un groupe. C'était des amis de mon quartier. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? C'est un peu tous les gars. Hein. C'est toujours pareil, tu sais, avec ces premiers indices. Français ou américain? Ah! Très bonne question, à laquelle je ne répondrai pas. 0820-203-200, si vous avez la bonne réponse, reprends-moi ces trois indices, s'il te plaît. J'ai commencé par être livreur de pizza, et au sein d'un groupe, c'était des amis de mon quartier. Je crois que même ta bouche, elle s'est demandé, bon alors finalement, je bug sur livreur ou sur pizza? Je sais non. pas. Non, il y avait deux fois commencé, ça m'a gêné. Ok. Je me suis fait connaître grâce à Internet. Ok. Qui suis-je? On attend vos propositions au 0820-203-200. Qu'est-ce qu'on offre? On a du cinéma, place de cinéma, place pour Tarus Riley aussi en Martinique. 30 septembre prochain, ça se passe au domaine de l'Oasis. Vous nous passez un petit coup de fil. 0820-203-200. D'ici là, on va revenir avec le sujet de Priscilla à propos de son copain. On attend simplement quelques petites réacs et d'organiser ça du côté du standard. Mais d'ici là, on a Mister Gilles Saint-Louis qui nous rejoint en direct on Trace FM. Oui. Comment ça va Gilles? C'est mon copain. Hello, ça va bien, merci, et vous? Bah écoute, en pleine forme. Écoute mec, il faut quand même qu'on relate cette histoire, parce qu'il y a plein de gens qui se sont pas forcément rendu compte. Il y a des gens qui ont percuté sur le fait effectivement que tu vas faire un one man show. Ça c'est le début de la news. En fait tu fais un one man show en décembre, tu l'annonces depuis ce mois de septembre. Sauf qu'il s'est passé un truc absolument hallucinant. Est-ce que tu peux nous expliquer toi ce qui t'a fait le plus halluciner là au jour d'aujourd'hui? Nous sommes le lundi 19 septembre. Ça fait quoi? Ça fait une semaine, jour pour jour, que vous avez lancé la billetterie, c'est ça? Ouais, c'était dimanche dernier, c'est bien ça. Dimanche dernier, une semaine, jour pour jour, où en est-on? Où en est-on? Eh ben, il reste pratiquement plus de place. Il en reste encore quelques-unes, mais ce truc hallucinant, c'est que c'est parti hyper vite et je suis le premier surpris. C'est rassurant pour ceux qui ont acheté leur place. Il y a des gens qui revendent des places dans les toilettes. C'est-à-dire? Ben, tu vas pas voir le spectacle, mais tu seras dans la salle quand même. Ah, ils vendent des places pour les toilettes tellement il y a un marché noir autour de Gilles Saint-Louis. Ah ouais, quoi. Non, mais c'est, le truc se vend, mais c'est pas possible. D'accord, ok. Tu y vas et en fait, tu vois le compte à rebours sur les places, en fait. Alors du coup, ouais, compte à rebours, moi j'ai vu 9 la dernière fois que j'ai regardé. On a regardé en même temps. Et quand je me suis connecté, il y avait 13. Le temps que je clique pour prendre les deux places, boum, il y avait 9. Je suis un putain. Et quand tu dis qu'il en reste quelques-unes, c'est genre vraiment, il en reste combien? Il va reste plus. J'ai pas le nombre exact, puisque ça c'est le producteur qui les a, mais l'Atrium c'est 950 places, et je sais qu'on a déjà fait les trois quarts, donc il doit rester, je sais pas, il doit rester moins d'une centaine. Hein. C'est au compte-goutte en fait. Eh ben écoute, c'est un énorme bip-bip de la part de l'équipe, parce que franchement, honnêtement, ben tu le mérites. Alors nous, on te connaît très très bien. Et franchement, on s'y attendait pas du tout. Ouais, on s'attendait pas. Alors on s'attendait pas. Si, on s'attend un petit peu, parce que c'est vrai que t'as ton succès et que franchement, tu l'entretiens et que tu travailles pour. Mais par contre, moi, le truc, pour être tout à fait honnête, en tant que grand frère, quand tu as annoncé que tu faisais un one man show en septembre, je me suis dit, mais deux mois, il a dû écrire trois lignes du spectacle. Je me suis dit, il a écrit que deux ou trois lignes, tu vois, pour l'instant. Est-ce que c'est pas trop ambitieux? Et en fait, je te sais bosseur, je sais que tu seras à la hauteur. Je sais qu'il y a une autre bonne nouvelle, en fait, qui s'enchaîne, c'est qu'il va y avoir une deuxième date, forcément, vu le succès. Ça, c'est un deuxième big up de la part de l'équipe, mec. Alors, comment on se sent quand on est l'humoriste le plus bankable? Je pense à Mada, dans un premier temps. Peut-être que vous ferez des dates également aussi en Guadeloupe et en Guyane. Mais qu'est-ce que ça fait d'être un humoriste bankable? Quand on sait que ta maman t'a dit « Deviens directeur !» ou un autre métier, hein? Alors, faut savoir qu'à la base, elle voulait que je sois surtout caissier. Que tu sois quoi? Qu'elle ne puisse pas... Caissier. Caissier. Que je sois caissier afin qu'elle arrête de payer ses serviettes hygiéniques au lit de service. N'importe quoi. Donc voilà. Les gars, méfiez-vous. Vous rappelez d'un truc? Parce que Gilles, il a travaillé avec nous dans la matinale à l'époque. L'émission s'appelait MDR, les malades du réveil. Et en fait, je suis en train de réaliser un truc, c'est que on avait inventé une petite phrase. Tu sais, quand une blague était drôle ou quand elle était pas drôle. On disait spectacle, pas spectacle. Si ça se trouve, exactement, nous avons participé à l'écriture de ce one-man show que tu es en train de préparer. Si ça se trouve, le mec est en train de tester des vannes en direct. Tu sais, sur nous, pour savoir s'il les intègre au spectacle ou pas. Je vais vous demander. Il est même en train d'analyser. Il a vu exactement ton comportement. Tu as commencé par le manipuler en tant que gros frère. Tous ces trucs-là. Ces histoires-là, ça finit par. Hey, tu as deux places pour moi, s'il te plaît. Hashtag GLM7, hashtag TraceFM. Gilles, c'est une énorme performance, mec. On est très, très fiers de toi. Bravo, Gilles. Merci beaucoup, les copains. Donc, première date déjà, ça c'est sûr. Deuxième date, en pourparler, parce qu'évidemment, il va y avoir plein de frustrés vu la vitesse à laquelle ça part. T'en es où, véritablement, de l'écriture de ton spectacle, mec? Mais j'étais censé commencer ce soir, mais... Il est con. Alors, ça ressemble... Non, plus sérieusement, je l'écris un petit peu chaque jour, puisque... des sketchs, c'est pas toujours évident, il y a des fois où l'inspiration n'est pas là du tout, mais quand elle est là, je suis motivé, et quand ça avance. Donc j'en suis, je suis aux trois quarts, sachant qu'il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi la mise en scène, je bosse la lumière, je bosse le son, histoire de proposer un spectacle qui arrache, qui fasse rire, certes, mais que quand on le voit, on se dit « oh putain ». Voilà. Alors franchement, un bon spectacle, on sait tous à peu près, même si on n'est pas forcément tous capables d'en faire un, on sait tous à peu près en quoi ça consiste. De la lumière, du show, une belle mise en scène, un jeu d'acteurs, d'expression faciale aussi. Est-ce que dans les ingrédients de ton one-man show, il y aura des personnages qu'on connaît? Oui, forcément, puisque je suppose que les gens qui viennent voir ça, parce qu'ils puissent retrouver ce monde déjà, j'utilise une trentaine des personnages qui ont déjà été en vidéo. Elle est super la blague, il fait comme s'il est dans un tunnel. En tu le fais très bien ça, tu pourrais le réutiliser pour le spectacle. Franchement, c'était très réaliste, le coup ça capte pas complètement, donc je t'ai raconté un truc, t'as pas compris, mais tu fais comme si, et comme ça tu crois qu'il y a vraiment ça dans le spectacle. Ça coupe un petit peu en fait là où tu es. Alors il faut expliquer quand même qu'il nous appelle de son portable des Antilles Guyane, alors que le mec est en métropole. Alors justement, où est-ce que tu t'enfermes? C'est quoi ton... Comment tu fais pour écrire en fait? Tu t'enfermes, t'as un endroit précis, t'essayes de faire, je sais pas moi, t'as un endroit qui t'inspire, où est-ce que t'es? Depuis que je suis rentré en métropole, je suis enfermé chez moi. Je suis dans la cave, dans la bas de cave. Et je suis en mode je me suis pas lavé depuis dimanche, mais pas dimanche d'hier, dimanche de la semaine dernière. Okay. Et voilà. Et je me sens beaucoup plus créatif, sale que propre. Ouais, mais alors, ça s'est déjà vérifié. Hein. Ça c'est chez beaucoup d'artistes, beaucoup de poètes aussi. Mais eux, c'est parce qu'ils avaient pas d'argent pour s'acheter du savon ou des trucs comme ça. Donc j'ai presque envie de dire que t'es légitime. Franchement, gros big up à toi pour ça. Merci. Franchement, merci beaucoup, Je pense que t'as tout chopé. Est-ce que t'es un peu flippé? Parce que mine de rien, nous faire rire en une minute, nous faire rire en 30 secondes, en 4 secondes, tu sais faire. Est-ce que une heure et demie de spectacle, ça te fait un peu flipper? C'est quelque chose de complètement nouveau, donc je sais même pas si je pense que j'y arriverai parce que j'ai la volonté, mais j'avoue que je ne sais pas du tout à quoi je me confronte, puisque je n'ai même pas encore essayé de répéter, de tenir une heure et demie. Je pense que je peux y arriver, mais ça va demander du boulot, du travail, et mais c'est vrai que c'est quand même un nouvel exercice, c'est totalement nouveau pour moi. Est-ce que Jamel Debbouze fera ta première partie? Mais il m'a demandé, Jamy, mais bon, il est sympa, mais... On rappelle que c'est quand même celui qui t'a donné envie de faire ce métier, hein, mine de rien. C'est un de ceux qui t'ont construit. Hein. Exactement, c'est vrai. Mais bon, il est dépassé maintenant, il est à la retraite. Ah, le connard est gras. Un autre personnage de Gilles. Écoute, redonne-nous la date précisément, qu'on ne manque pas ça, pour ceux qui peuvent encore se procurer les derniers tickets pour cette première représentation. Il y en aura d'autres, c'est sûr, mais c'est déjà un très très grand franc succès. Moi, je trouve que c'est énorme. À l'heure à laquelle on vit, où tu attends d'avoir vu 2-3 didacticiels sur le web avant d'acheter une application, acheter sans savoir ce qu'il y aura dans le spectacle, juste par rapport à la force de cet humoriste qui est Gilles Saint-Louis, aujourd'hui, t'as réussi un pari, mec. Les dates? Enfin, c'est le 9 décembre à l'Atrium. Et effectivement, on prépare une date en Guadeloupe, en Guyane et à Paris également. Ok, alors, dernière petite question. Quand tu dis qu'il y a des gens qu'on connaît, est-ce qu'il y a des gens qui ce soir sont dans le studio que tu vas railler dans ton spectacle? Qu'on sache exactement si on peut récupérer un peu sur les entrées, éventuellement en attaquant en justice. Je pense que j'aurais pu tirer sur Yannick. Moi, je pense que il y a de la matière. Hein. Mais en même temps, il y a de la matière chez tout le monde. Chez Yannick, chez Nessie, chez Sabri, bon, on a été en couple pendant 4 ans, donc je ne lui ferai pas ça. Il y a de quoi faire. Tu es en train d'expliquer qu'il faut coucher avec toi pour pas se retrouver dans un de tes personnages de spectacle. Exactement. Voilà. Exactement, mais il a annoncé que tu seras pas dans son spectacle. Donc, je n'ai pas couché avec lui. Ah, je ne sais pas. Voilà. Hashtag G97, hashtag TraceFM. En tout cas, c'est un énorme big up à toi, Gilles. On te retrouvera régulièrement parce que tu sais, ça nous intéresse de voir comment t'écris, à quel stade t'en es. Et puis, évidemment, notre radio est à ta disposition pour faire tes expériences. Si tu veux l'utiliser comme un laboratoire, l'émission le soir, pas de problème, volontiers. On se retrouve le plus régulièrement que possible, éventuellement pour voir, pour t'aider aussi, si on peut t'aider sur quelque chose, t'hésites pas, quoi. D'accord. Bon, sur l'humour, je vais me débrouiller tout seul. Bonne soirée, Frangin. Ciao, ciao. Bye bye. On s'enchaîne un petit DJ Fly avec cette hit. On revient juste derrière. Il y a Cécile qui sera la première invitée d'ailleurs de Génération 97 Live. À tout de suite. Le soir. Génération 97. Personne peut tester. Génération 97. Sur Trace FM. We so fly. Yeah. Bad girl style. Yeah. I just the body with me, your body that I'm gonna cry for. Trace FM. Body that I'm gonna cry for. Yeah. Just the body with me, your body that I'm gonna cry for. Body with me, ever just the body with me, Trace. Hey baby, loving when you whine for me. Tell me what you want, baby. I'm a loving what you have, baby. Oh, love. Truth. What's a wine for my daily like a background the corner? Bum, pack a cup, you're the right sweet, your maha. If you love the right, me turn it up like a sauna. Ah, Truth. Hold up on my body and Truth. Set it. Broke off my back, yeah. Truth. If you set it. This line I want, no. Truth. Set it. Hold up on my body. Hold up on my body. Love how me set it. Set it. Set it. We so fly. Loving when you whine for me. You tell me what you want, baby. I'm a loving when you have, baby. Oh, Lord. Bust a whine for me daily like a background the corner. Pump, pack a your cup, yeah, the right sweet jam. If you love the right, me turn it up like a sauna. Hold on for my body and set it, set it. Broke off my back, yeah. Set it, set it. Waistline now, worry no. Set it, set it. Hold on for my body, hold on for my body. Them love how me set it, set it, set it. Bend it and set it, set it, set it. Roll and set it, set it, set it. Watch how me set it, set it, set it. Boy, why my body me not stiff like soja? Deal with that, make the booze take you over. Sober, oh, Lord, oh, Lord. Him love all me wine, him love all me wine. Oh, slow body move when me wine. Hey, everything nice, everything a plus now. Même l'ambiance, même le feu, mettre basse là. On y 5 secondes pour trouver un partner. Pas mal de plus, c'est qui wine et basta. On dit, show pata, show le mato, show la pampa, show pata, show le mato, show la pampa, show pata, show le mato, show la pampa, show pata, show le mato. La fait, buy snapshot, na. Sinon, bagaille pour faire, fuck nos fame maintenant. Fais aussi pour vivre, t'es carré, t'es winette. Pas tout, t'es pas quitté pour rester. Zamé, pas gommé pour pièce femme, pas levé pour la jazz, ça qui tourne Vietnam. Le garçon veut parfois se le vêtement, mais toujours en mode with a bad man, toujours en mode lieutenant. Buy snapshot now. Everything nice, everything a plat now. Si nos bagailles vous fait, fuck nos fame maintenant. A nous c'est buy snapshot now. A dit Winnie, show pata, show le mato, show la pampa, show pata, show le mato, show la pampa, show pata, show le mato, show la pampa, show pata, show le mato. La fait ou. Oh calme, tranquillos. Si t'es pas walpa, ou tu es ma copinos. Connexion wifi, nous ka check you à distance. Nous pas ka mélanger, à nous ka ba, à nous qui boss. Nous ka casser tête, l'on casser dos, l'on casser bow. Aka respect, pas la peine, t'as casser bow. On y 5 secondes pour trouver un partner. Si bye bye, on va faire arrêter, bye gagna. Casser bow, casser dos, casser bow. Casser dos, casser bow, casser dos. Casser dos, casser bow, casser dos. Casser bow. What this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Girl, bend over. Come wine till you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Make you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Who you are ramp with? On a game, anytime you're ready, girl. Tell me name. The place get wet like in a rain. Then I make you feel high like on a plane. She say I saw the love, the act. Baseline sweet and I touch this spot. Dancing, she love to that. Girl, coach the chat. Come wine till you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue. Know you got the glue. Know you got the glue. You play tune, play hotter than a sundown. You make me turn up at attention. You pretty like the melodies in a me song. You say cooking with your mother key, you make your body drop. Girl, any problem you got, I wanna fix it. And when you dance to me song, it's gonna be key. But I jump on a beat, it's your type like a secret. So you play wine till you rock. Oh, you play tune, play tune. No matter diamond, play tune, play tune. Pour cette rentrée, on a un DJ attitré tous les soirs, officiel, Tijo Sound, derrière les platines, dans Génération 97. Génération 97. Merci d'être avec nous dans Génération 97. Il y a du C'est qui dans la radio. On rappelle les indices, il y a des cadeaux à gagner. 0820-203-200 pour le premier qui trouve. J'ai commencé par être livreur de pizza. Je débute ma carrière au sein d'un groupe des amis de mon quartier. Je me suis fait connaître grâce à Internet. Qui suis-je? On attend vos propositions. 0820-203-200. D'ici là, retour vers Priscilla qui est avec nous. On parle des couples qui s'étouffent un peu l'un l'autre, mais qu'en est-il quand c'est la best friend qui veut mettre son grain de sable dans les rouages bien huilés parfois d'un couple qui veut s'isoler? Il n'y a pas une phrase qui dit « c'est toi et moi contre le monde ». On l'a dit quand c'est un couple, on l'a dit pas quand c'est une

l'oreille, bad bye n'est pas poteau avec la piste de danse. J'te paye tout le bar si ça te plaît, si j'pouvais j'ferais le DJ rouge, ces putains sont à outrance. Tellement je plane, je vole, tellement je vole, je plane, putain. Plus rien n'a aucun sens, mais c'est vrai. La fin de la chanson, tu la connais, yeah. J'suis dans la ligne de mire, son regard m'assassine. Mes yeux commencent à briller. Si elle fait le premier pas, elle me prend pour sa cible. J'vais pas me faire briller. J'suis dopé, alcoolisé, mais je perds pas la tête. Tout ce qu'il faut pour te faire kiffer. Pour te rendre accro, la première danse est gratuite. La première danse est gratuite. Premier contact effectué, à peine le temps de toucher, qu'elle me dit déjà qu'elle m'aime. Elle veut me payer une baraque de voiture pour m'entendre tous les matins que looking fly with my friend on smile on my face, so sweet like a cinnamon. Boys wanna spend Franklin like Mr. Benjamin. I mean it, why am I on there? Just look at me, say, just me not my gentleman. Your pussy no, you know why I be my friend again. True of you, you're sexy, but that's irrelevant. We get y'all easy. I bet you wanna run, tell them this, that you want me be your girlfriend. You say you just wanna be my friend, just to know you wanna. Step into the dance on my spotlight president. Security on me like the president. For I see, follow me, cause I represent the girls. Boys wanna undress. Yeah, boy, I know the sweet games you play. And through your heart, you get wicked from where they are. Heard it all before, so it's a that bit cliche. And the mic, sing for the DJ. So when you see you, me a piggy, you the smile. But me not gonna make no girl change me style. No girl on road can't read off me file. But a regular me don't change me style. Ah, no, Vanessa, coupé, toi, non. Me a tes fesses, on laisse le soir, c'est sous toi, il paye. Ah, no, de me en jacques, ah, oui, plus gris, monsieur, Jack Daniels, nous rappelons. Elle s'appelle Meryl. Elle sera notre invitée cette semaine dans Génération 97. Sa spécialité pour l'instant, c'est faire les covers et de faire le buzz avec. Big bad DJ. HSF, viens pour des fesses, c'est domino si on table. Si mon avion n'est pas capable, mais ça passe si potable. Vive en les haches de bloc, tu peux qui oriental. Mi bad guys, t'es un yon, tout la si vous table. Ah non, Vanessa, te couper comme une homme. Mais à tes fesses, on laisse le soir, c'est sur toi, il paye. Ah non, demain, en jacques, ah ouais, plus gris. Monsieur Jack Daniels, n'aura pas d'excuse pour bébé. Quand à moi, me feel so good. La famille, elle est là, ça chante, ça danse, et puis ça boit. Quand à moi, me feel so good. Ceux qui ne nous aiment pas qu'on connaît, ils sont toujours aux abois. Chantez comme Mr. James Brown. James Brown. James Brown. Chantez comme Mr. James Brown. Tell me about that work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line. I'm in the cafe, my ta, ta, ta, ta, ta. Drive me, I deserve you. No time to have you lurking. You make a walk, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, all my visions. You took my heart. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You tell me I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. And tell me about that work, work, work, work, work, work. When you walk out, na na na na na. Before the table, turn, turn, turn, turn, turn. Beg you something, please. Beg the fuck star. Me no matter gal, I miss them come no easy. Drop on the gal, them rep on the gym. Chef pussy dead, me a come down silly. Now your pussy so sweet. Gal, your body look good, but your Gucci dead. Like a full moon in your Gucci dead. Make me feel good, but your Gucci dead. Can me a fi grab a rubber. 6:30, you a one band the world till dead. 12 for me cocky up, I feel free dead. Monsieur, avant ma chute j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Genre jouer les klaxons, un truc comme ça, ouais, mais en anglais. Tu l'as déjà? Oh putain, bon bah on va s'écouter tout à l'heure. Tijo Sound derrière les platines, 0820 203 200 également sur le net, www.trace.fm. Merci d'être avec nous dans Génération 97. La radio est libre sur le mix, sur le talk, sur les délires aussi. Avec vos canulars, on vous attend, 0820 203 200. Le soir, ta radio se lâche. Tu peux tout nous dire. Trace FM, Génération 97. Ta liberté d'expression au 0820 203 200. Comment dire, Hugo? On est avec Priscilla. Mm-hmm. Et on se pose en fait la question de jusqu'où une meilleure amie peut faire de l'ingérence dans ta propre vie, dans ton propre couple. Évidemment que t'aimerais qu'une meilleure amie te prévienne d'un certain nombre de choses ou qu'un meilleur ami te prévienne d'un certain nombre de choses. Mais en même temps, là, dans la situation que tu nous décris, Priscilla, c'est très très compliqué. T'es avec un garçon, enfin, t'es ami avec un garçon qui aujourd'hui est en train de construire sa vie. Si pendant cette année, il te consacre moins de temps, même s'il n'est pas forcément heureux, même s'il est en train de faire quelques petits réglages, c'est très compliqué pour toi d'intervenir parce que tu pourrais bien endosser le pire des rôles si jamais ça aboutissait, je sais pas, une rupture et qu'il en serait encore plus malheureux. Alors ouais, tu reconnais pas ton pote. Mais c'est arrivé à chacun de nous. Non, oui. Écoutez, c'est pas moi, enfin, qui me parle moi ou quoi, c'est pas ça le souci, c'est lui. Écoutez, ça fait un an un peu plus d'un an qu'ils vivent ensemble. Ça fait un peu plus d'un an qu'ils sortent ensemble. Mais depuis le début, pratiquement depuis le début de leur relation, ça ne va pas. À chaque fois que je l'ai au téléphone, ça ne va pas. Oui, mais il est toujours dedans. Donc ça va. Ça va pas si mal que ça. Ouais, je dis concrètement qu'il se laisse marcher dessus. Je lui dis tout le temps. Je lui dis tout le temps qu'il faut lui en parler ou sinon qu'il faut la laisser. Peu importe. Mais c'est déjà arrivé le coup où elle a voulu faire une tentative de suicide parce qu'à un moment, elle en avait marre. T'as l'impression qu'elle prend ton pote en otage à un moment ou à un autre. Moi, si tu me poses la question sur ça, moi, je trouve qu'effectivement, il ne faut pas céder au chantage. C'est vrai, mais maintenant, c'est que de la présomption. On ne sait pas forcément exactement comment elle est. On te croit sur parole sur ce que tu nous racontes. Ok. Maintenant, malheureusement, même si ça ne se fait pas d'être pris en otage quand t'es un mec et que ta nana te dit « elle va se foutre en l'air si tu me quittes », donc le mec n'ose pas la quitter à un moment ou un autre, qui veux-tu d'autre qui gère cette situation à part lui-même? Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça injuste, parce que c'est pas de sa responsabilité. Plusieurs non, fois, mais bien sûr que c'est pas sa responsabilité, mais si lui, il estime que c'est sa responsabilité, qu'est-ce que tu veux faire pour aller à l'encontre de ça? On a des petits coucous à faire sur le web, il y a les réacs aussi, on va saluer... La philo qui dit que ouais, Trace FM, c'est la meilleure radio, tous les bons ingrédients de la vie et tout et tout. Ouais, bah t'avais envie juste de te faire mousser. Just Bed aussi, Little Mum, également avec nous, et puis les réacts sur le web. Hilary, les amis, à la base, ça n'existe pas. Ils font semblant de te féliciter, mais ils font tout leur possible pour détruire ce qu'ils ne pourront jamais construire. Putain, ça, c'est quelqu'un de désappointé, ça. C'est quelqu'un qui est pas très, très, très. Qui a été déçu, hein, trahi, hein. Ouais. Mais il y a des amis qui le restent pour la vie. On a des amis pour un temps. Et puis on en a quelques autres qui le sont pour tout le temps. Ceux-là, ils sont forcément moins nombreux que les autres, c'est certain. Je pense qu'il faut prendre la vie comme elle vient. À un moment ou à un autre, ton best, tu le reconnais pas. Je pense que tu n'as pas d'autre choix. Tu sais, j'ai presque envie de te dire que c'est ce que vous avez construit, si c'est véritablement solide, faut accepter de le mettre à l'épreuve, quoi. C'est-à-dire que tu es inquiète pour lui, à part en discuter avec lui ou accepter d'attendre qu'il en discute avec toi, qu'est-ce que tu veux faire, Prissy? Tu peux rien faire, il y a quoi d'autre comme réac? Alicia, prendre des distances avec ses amis, oui, car ceux qui croient être bons pour toi, ce sont souvent eux qui créent des problèmes dans ton couple. Puis faut être honnête aussi, à un moment ou à un autre, comme je te dis, on cherche tous peut-être une personne, pour d'autres personnes c'est plusieurs personnes, hein. Mais tu vois, on cherche une personne dans laquelle il y a tout. Aujourd'hui, bon ben, sa meuf, c'est peut-être pas sa confidente, laisse les problèmes s'installer avant de les anticiper, laisse les problèmes s'installer, parce que quelqu'un qui ne vit pas quelque chose ne va pas comprendre ce que tu as réussi à anticiper. Sachant que, à moins que tu sois médium, et tu sais que moi, à quel point je les prends pour des charlatans, pris si les médiums, tu peux pas prévoir. Ça se trouve, la nana, la première année de leur relation, elle est inquiète, elle est pas rassurée. Peut-être que ça va s'améliorer par la suite, peut-être qu'elle sera beaucoup moins possessive. Peut-être qu'à un moment, un jour, ils trouveront la recette pour fonctionner ensemble. Parce que n'oublie pas un truc précis, c'est qu'on nous apprend pas forcément à fonctionner dans un couple. On regarde ce qu'on a vécu, on regarde ce que nos parents ont vécu, on regarde ce que on a peut-être un couple type auquel on aimerait ressembler, mais ça s'apprend pas, ça s'expérimente, tu vois. Aïcha Ria. Non mais prononce pas son prénom, tu dis Aïcha. Non mais non. Aïcha. Elle s'appelle Aïcha Ria. Voilà, ça c'est comme ça. Et Sariak. Ouais, les amis qui sont en couple, ben des fois ils t'appellent pas du tout, mais comme par hasard, ils savent retrouver ton numéro lorsqu'ils sont plus en couple. Si j'essaye de transposer à moi, quand tu calcules plus mes amis à un moment ou à un autre, c'est que je suis très très bien dans la situation, ou alors je suis débordé par la situation. Je comprends. Je comprends ton inquiétude. Et ta vraie inquiétude, c'est un peu plus personnel, le sujet que tu amènes. C'est pas forcément que lui. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, t'es en train de peut-être aussi d'encaisser un deuil. Mais c'est peut-être un deuil ponctuel. Je pense pas, non. Toi, demain, ça serait plus ton meilleur ami, tu le perdrais totalement dans des raisons... Quelles seraient les raisons légitimes pour que t'acceptes finalement qu'il vive sa vie de son côté? Ça serait quoi? Qu'il soit bien avec la nana, que... Ça serait quoi? J'aurais pas de raison. Attends, je comprends, excuse-moi, j'ai pas compris la question. Je t'explique mieux, ok? Oui. Aujourd'hui, moi, tu me donnes l'impression d'être en tristesse, de perdre une relation à laquelle tu tiens beaucoup, et peut-être même de présumer... Attends, je t'explique jusqu'au bout. Et peut-être même de présumer qu'il est pas si bien que ça, ok? Peut-être qu'il est pas super bien. Tu sais, franchement, honnêtement, le couple, c'est un réglage. Il a choisi cette vie, aujourd'hui, il est avec cette nana. Quelle raison serait suffisamment légitime pour que tu te dises « Ah, ben ok, il a plus besoin de moi, je le laisse partir. » Je C'est ça la question. Il n'y en a aucune. Donc tu n'accepterais, il n'y a aucune raison qui serait assez légitime pour que tu acceptes de voir ton meilleur ami grandir de son côté, faire ses propres choix et même s'éloigner de toi. Ah non, non, qu'il fasse sa vie de lui-même, non, il n'y a aucun souci. C'est parce qu'il est en train de faire. Mais non, justement, c'est ça le problème, c'est ce qu'il ne fait pas. Parce qu'il ne peut pas, j'ai envie de dire, s'émanciper en tant qu'adulte. Il ne peut pas le faire. Parce qu'il est coincé avec elle. C'est toi qui as décrété ça. Ouais, j'ai l'impression que s'émanciper en tant qu'adulte, ça serait simplement, à tes yeux, rester ton ami. Non, pas du tout. C'est l'impression que ça me donne de l'extérieur, je suis désolé. Non, c'est pas le fait qu'il soit mon ami, c'est pas du tout ça. C'est du fait que c'est un adulte qui ne peut pas faire ses propres choix sans devoir tout demander à sa copine, à même savoir s'il peut acheter oui ou non une paire de chaussures. Mais c'est lui qui a choisi. S'il le subit, Nessie, même s'il le subit à un moment ou à un autre, il y aura un déclic qui fera qu'il n'a plus envie de le subir. Mais tant qu'il le subit et tant qu'il reste là à le prendre, qu'est-ce que tu veux faire pour lui? Tu peux rien faire, Prissy. Tu peux rien faire. Et il faut que tu acceptes d'être, tu resteras peut-être son ami tout le temps, mais tu le seras plus efficacement à d'autres moments. Peut-être au moment où il s'en rendra compte, ou au moment où il s'en rendra pas compte, parce que si ça se trouve, cette situation, elle va être encore empirée, il va encore avoir moins besoin de toi, peut-être qu'il va encore plus s'en bien lificoter dans l'histoire. Mais qu'est-ce que tu y peux? Tu n'y peux rien. C'est même pas à toi de déclencher le sujet, tu peux même pas déclencher ce sujet-là avec lui. Faut le laisser en parler. Faut le laisser. Tu me dis qu'il se confie à toi en disant ouais, ma nana elle veut que je lui rende des comptes. Eh ben oui, il y a plein de nanas aujourd'hui qui veulent que tu leur rendes des comptes. Si tu veux pas en paix avec une nana qui te demande de rendre des comptes, eh ben tu envoies chier tout ça et tu te casses. Mais si tu restes, à un moment ou à un autre, le temps que tu restes, c'est le temps que tu supportes. Ouais. Et puis bon, des fois tu vas te plaindre à tes amis de trucs qui se passent dans le couple, mais ça te gêne pas plus que ça. Ouais. Tu vas juste te plaindre parce que ça fait du bien, machin, qu'il y a quelqu'un. Et puis peut-être aussi qu'il a bien capté que tu kiffes pas trop sa copine et qu'il va pas essayer non plus de te raconter que c'est la meuf la plus merveilleuse parce que tu vas l'envoyer bouler. Peut-être que votre point commun, c'est peut-être les défauts de sa copine. Non, tu vas te rappeler. Il voulait même pas s'installer avec elle de base. C'est elle qui l'a. C'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il t'a fait croire. Parce que t'avais besoin de l'entendre. Peut-être même que lui, il y croit. Mais ça dépend de ton interaction. Moi, je pense que être un bon ami aussi, c'est parfois être neutre, quoi. Bon, parfois, c'est exprimer son avis. Là, je pense que tu l'as bien exprimé, ton avis. Tu lui as déjà dit que tu trouvais cette nana exclusive. Tu lui as déjà dit que tu trouvais cette nana trop possessive. Tu lui as déjà dit qu'il n'était pas assez autoritaire. Une fois que tu lui as dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas le sauver. Tu peux pas le sauver. Il faut le laisser vivre son truc, quoi. Si Michel prend une falfrette, eh ben il va prendre sa falfrette et il en sortira grandi. Seras là. Mais par contre, ce dont je me rends compte, c'est que tu l'aimes beaucoup. Et c'est peut-être ça dont il faut qu'on discute. Parce que tu l'aimes au point, peut-être, tu sais, je te trouve limite maternelle. On dirait ma maman. C'est-à-dire que tu as pas vu, tu as pas vécu, tu as pas vécu l'expérience que déjà elle te dit ça, il faut pas que tu fasses ça, ça sert à rien. Mais toi, tu as envie de faire l'expérience. Parce que tu as envie d'avoir ta propre gamme d'expérience à toi. Ta propre sensation, ta propre expérimentation. Et j'ai l'impression que, en fait, je trouve ça très arrogant de ta part de te dire, à un moment ou à un autre, que tu es tellement certaine de qui est la fille avec qui il est, qu'il perd son temps. C'est chaud quand même comme responsabilité, hein. C'est super arrogant comme responsabilité, hein. Genre tu connais la nana tellement sur le bout des doigts que tu sais que de toute façon il va droit dans un mur. Tu imagines quand même? Tu sais que les médiums, quand ils te prennent 500 €, ils prennent pas autant de risques dans la lecture. Tu sais ça? Non, mais qu'elle se mette à la place en fait de l'autre. C'est comme si qu'elle aimait un mec et que ses amis en fait pensaient ça d'elle, tu vois. Ouais, c'est enfin bon, après la nana, je peux comprendre que t'as pas d'affinité avec elle et que le mec, tu tiens énormément à lui et tu veux lui éviter de souffrir. Mais parfois, non, c'est-à-dire que la fille, elle percute pas que ses actions font du mal à leur couple, que ses actions lui font du mal au gars qu'elle aime. C'est ça. J'ai rien du tout contre sa meuf. C'est une fille sympa, hein. Je lui parle, il n'y a pas de souci. Mais elle ne percute pas que ses agissements ne lui font pas du bien. Elle ne percute pas que sa possessivité, le fait qu'elle ait tellement peur de le perdre parce que, je sais pas, font qu'elle l'étouffe. Ouais, Mais à part discuter avec elle, à part discuter avec lui, ce que t'as déjà fait, qu'est-ce que tu veux faire? C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre... Je vais pas débarquer en leur disant, bon, écoutez, tous les deux, vous arrêtez pas de me parler de votre problème. Moi, je vous mets les points sur les i. Lui, il a dit ça, elle a dit ça, réglez vos soucis. Non, tu vas pas le faire. Je sais que t'en as vraiment envie, mais tu vas pas le faire. Il faut surtout pas le faire. Ça te regarde pas. Ça te regarde pas. La seule interaction que tu as en commun avec cette fille, c'est ce mec, ok? Ce mec, tu le protèges tant que tu peux. Une fois que tu lui as dit, une fois que tu l'as mis en garde, laisse-le vivre. Ouais. Laisse-le souffrir aussi, malheureusement. Je sais que tu l'aimes tellement que t'as envie de lui éviter éventuellement de prendre une claque. Mais s'il doit prendre une claque, il doit prendre une claque parce que ce n'est pas aidé. Et moi, j'aimerais dire ça parce que moi, ma maman, elle était un petit peu comme ça. Et je trouve que c'est pas dans une relation de best friend que t'es. C'est dans une relation maternelle, en fait, avec lui. À un moment ou à un autre, en fait, si tu veux, il faut pas croire que c'est aider quelqu'un. L'aider à révéler sa personnalité, c'est plus important que l'empêcher de faire un truc que tu sais qui va être mauvais pour lui, parce que il faut vivre les choses parfois pour comprendre. C'est con, hein, mais il faut les vivre parfois pour comprendre. Et moi, je pense que tu es mal positionné. Tu l'aimes très fort. Il aura besoin de toi s'il prend une claque. Et il aura probablement encore moins besoin de toi s'il en prend pas une. Tu vois ce que je veux te dire? Je comprends. Et c'est ça qu'il faut que tu arrives à accepter. Ouais. Mais moi, ça, j'ai compris, il n'y a aucun souci. Peu importe que demain ou peu importe ce qui se passe, je sais que je serai toujours là pour lui. Il n'y a aucun souci. C'est juste que je m'inquiète pour lui. C'est quoi ton dessert préféré? Pardon? C'est quoi ton dessert préféré? Je sais pas. En fait, c'est pas Scream, tu sais. Dans Scream, c'est quoi ton film d'horreur préféré? Là, c'est Ice Cream. C'est quoi ton dessert préféré? Tu vas mourir. Il y a un truc que t'aimes. Les floupes. Les floupes. Quand t'as ton floupe dans ta main. Ouh là là. Que t'es en train de le sucer. Ah merde. Que tu kiffes tellement ton floupe que tu commences même à le mordiller. Et qu'on vient te dire, Priscilla, c'est pas bon pour toi. Ça va aller dans la cuisse. Ça va aller dans le ventre. Ça va se stocker là où tu veux pas. Est-ce que tu déposes le floupe? Non. Eh ben, dis-toi que ton copain est en train de sucer le floupe. C'est son floupe. Et il est en train de sucer, de la mordiller. Non, tu ne peux pas la prendre sur lui. C'est impossible. Ma philosophie convertie à l'agroalimentaire pour que tu comprennes. Laisse-le sucer. Imagine son ton copain, sa meuf, c'est un pot de Nutella. Et il a l'index dedans. Eh ben il est là, il en tartine parce qu'il en reste peut-être plus beaucoup dans le pot. Mais c'est pas à toi de lui dire que le pot est fini. Laisse-le pleurer. La philosophie du supermarché. J'adore, j'ai kiffé. Bon, Miss, une chose est sûre, c'est que tu l'aimes, ok? Tu l'aimes très très fort. Alors moi je vais te poser une question, tu l'aimes d'amour? Genre t'aurais bien aimé que ce soit ton mec, en vrai ou pas? On va arrêter de tourner autour du pot, si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Non. Non quoi? Mais t'auras la question. Mais non, mais c'est pas clair. Elle aime pas. Déjà, il y a une hésitation. Oui, non, mais ouais, c'est tellement. C'est-à-dire que même si ça se passerait, ça ne durerait pas dans le temps. Tu vois, tu fais beaucoup. Donc t'as quand même vachement projeté dans ta tête, ouais, en fait. J'y ai pensé quand même. Vraiment, elle a déjà vu combien de temps ça allait durer, ouais. Qu'est-ce qui allait provoquer la rupture. En fait, elle est médium. En fait, on s'est trompé d'axe. On s'est trompé d'axe, en fait. La meuf, elle est là, elle est médium. En fait, elle voit le futur. Bon, alors, elle nous appelle parce qu'elle se dit, bon, ben, ils sont cool, ceux-là. Elle nous voit vraiment en tant qu'être humain. Mais ils le savent pas, mais demain, la planète explose. Ma chérie, malgré tout l'amour que t'as pour les gens, c'est parfois ça aussi, aimer quelqu'un, accepter qu'il fasse ses propres expériences et être là une fois qu'il a besoin de toi. C'est ça aussi. Il y a tellement de gens qui entretiennent aussi cette espèce de lien de dépendance. Imagine-toi lui avoir dit, le laisser faire ses choix et un jour qu'il revienne vers toi et qu'il te dise, tu sais quoi, t'avais raison. Bon, peut-être qu'il te le dira jamais. Ouais. Peut-être qu'ils vont vivre un truc tellement énorme que... Mais bon, laisse-le mais vivre. Mais toi, tu pourras lui dire, t'as vu, je t'avais dit. Par exemple, tu pourras le bâcher à un moment ou à un autre. Mais laisse-le vivre. Je comprends. Mais tu peux pas hériter des problèmes des autres tout le temps comme ça. Même si c'est quelqu'un que t'aimes. Et bien sûr qu'à quelqu'un que t'aimes, t'as envie de lui éviter le pire.

she no go mind. Boy, would you give me some? Give me some more. Shorty gave me, then she called me red and miss, sleeping with a girl next door. And when she came, she said she no go mind. Boy, would you give me some? She said she wanna bounce to the naira and the dollar and the pounce. See ma, see, she said she wanna bounce. Son, big bad DJ, Hajime. Oh oh. Ou pas moller la mouka place, qu'est mon girl. Moi je savais qu'il y a no car around the world. Ou pas moller la mouka place, qu'est mon girl. Caribbean girl, I no car like the world. Fresh, quand t'as mains un peu. Bad girl, cabayo mal dead. Cheese qui a mal parlé, mais nous pièces pour l'aïe. Si on les suspects, qu'on représente girl. Toi, mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. La mobilité que mon gang est biché on point. Caribbean girl, I no car around the town. Chaque côté, mon passé, mon toujours gang step. Mon billet, ça qui a pété, y'a tête non-stop. Mon toujours cavalier, que des different steps. Chaque son, mon cassette, cabayo, different tap, la foki. Ou pas moller, la mouka place, qu'est mon girl. Hashtag G97, hashtag Trace FM, ça s'ambiance sur les mix de Tijo Sound. On va revenir tout à l'heure avec mon appel aux cocoteurs les plus chauds du web. Je les appelle, je me fais passer pour une meuf et c'est très très chaud à l'antenne. C'est tout à l'heure sur Trace. On les appelle en live. Ouais, bah ouais, comme d'hab, ça part en live. Pour pas moller la mouka flasque, qu'est mon girl. Pour ça savais qu'il y a no car around the world. Pour pas moller la mouka flasque, qu'est mon girl. Caribbean girl, I no car like the world. Fresh, quand t'as mains un peu. Bad girl, cabayo mal dead. Cheese qui a mal parlé, mais nous pièces pour l'aïe. Si on les suspects, qu'on carré présente girl. Toi, mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. La mobilité que mon gang est biché on point. Caribbean girl, I no car around the town. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. C'est l'un des titres à guetter d'ailleurs. Si Cécile s'enchaîne à ce titre, tu repars avec ta paire de Air Max. Taxi de la trace roulette tout à l'heure, reste vigilant. 0820 203 200. On vient également avec du sexe confessionnal aussi dans un instant. I know they carry pots like a bullion. Well, if you give me dance, you go chop deep, babe. Baby girl, I got billions. Oh yeah, give me chance, make you chop deep. I she do the Al-Qaeda. She said the yoke up on fire. We a body big like Bombardier. A body big like Bombardier. She say she no want no Wahala. She no want no Wahala. Cause she need a real man like Montana. Oh yeah, Shanta, she gon' give me kind of dance with me, I never see. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dab. Le soir. Génération 9-7. Personne peut tester. Génération 9-7. Merci d'être là, Madame Guadayana. Une nouvelle semaine démarre dans Génération 97. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820 203 200. Dans un petit instant, Hugo, Tu l'as chauffé toute la soirée et on l'appelle en direct. Lui, c'est un cocoteur. Il s'appelle comment? Ah, j'ai oublié son nom. Tellement le nono était chaud. L'idée, c'est que tu te fais passer parfois pour une fille, parfois pour un garçon. Là, ce soir, c'est qui? Alors, ce soir, c'est un gars. Je crois qu'il est du côté de Cayenne. Donc, tu te fais passer pour une fille. Ouais. L'idée, c'est que on est plein à s'inscrire sur des sites de rencontres, sauf que Hugo est le seul à véritablement voir comment ça se passe vraiment dessus. Mmh. Vraiment, Hugo, on te remercie de cette enquête intrusive. On te remercie de tous ces sacrifices. Et on te reconnaît d'ailleurs un talent. Nessie, la première. Tu es fort. Tu es fort, mec. Merci. Je sais pas si ça traduit exactement la pensée de Nessie. Elle est là en train de dire, mais le petit garçon aime faire ça ou quoi? On l'appelle un cocoteur dans un petit instant. Il y aura du sexe confessionnel ici tout à l'heure. On parlera de quoi dans le sexe confessionnel ce soir, Choco? L'escapade coquine en voiture. Ouais. Ainsi que les lieux insolites. Yes. Alors parmi vous, il y en a qui l'ont déjà fait dans leur voiture ou pas? Qu'est-ce que vous trouvez de cool? Qu'est-ce qu'il y a de moins cool? Quand c'est une longue voiture, c'est bien. Mais quand c'est une Smart. Quand c'est une Fiat 500, Nessie, qu'est-ce que t'as eu? Non, il faut pas essayer dans les Fiat 500. t'es petite, c'est bon. Oui, mais lui, quand il est grand, c'est pas bon. Mais du c'est tout. Bien d'être à l'étroit. Ouais, non. Ouais, c'est pas cool. On fera la liste des marques de bagnoles dans lesquelles on a déjà pécho tout à l'heure. Moi, j'ai déjà réussi dans une Mini. Ah ouais? Ouais. Décapotable? Ouais. Non. Non, sans capote. Non. Enfin bref, avec capote, mais la bagnole n'était pas décapotable. Sur le toit, oui, on arrive au tout. Non, normal. À l'intérieur de la voiture. À l'intérieur de la voiture. Ça pense si souple. J'expliquerai comment. Et vous, hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820 203 200, vous l'avez déjà fait dans la bagnole. Alors c'est vrai que la bagnole, c'est parfois le truc un peu... On a l'impression que forcément, quand ça se passe dans la bagnole, c'est un truc un peu volé, quoi. Un truc sale, mais pourtant non. Regarde Tijo. Je suis sûr que la Clio de Tijo en a vu des vertes et des pas mûres. Avant, vous rappelez quand il a acheté sa bagnole? Ouais. Il y avait tous les néons qui fonctionnaient. Maintenant, il y a des néons qui fonctionnent plus. Sa voiture est remplie de pièces. Ah oui, parce qu'il y a aussi le... Un fond broyeur, là, chez des pièces. Ouais, il paraît qu'il y a le... Ouais. Il paraît qu'il y a le petit truc un peu... Ouais, faut payer la voiture. Faut payer, ouais. C'est comment on appelle ça encore quand on est superstitieux? Superstitieux. Voilà. Hashtag G97, hashtag Trace FM, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on a un défi également qui débarque pour vous. On a des cadeaux à vous offrir si vous réussissez à faire ça. C'est une petite phrase que nous a postée Keshi. J'aimerais que tu la lises toi-même déjà pour commencer. Alors, sale chasseur âgé aux yeux chassieux, sachez chasser sans chien. Chose aisée, ce chat chauve caché sous ses six chiches souches de sauge. Enfin bref, il est pas chez chez Choche. T'as du mal. On vous poste la phrase. On choisit un membre dans l'équipe qui sera le temps de référence. Je mets le chronomètre. On le fait avec toi, Hugo. On essaye de voir le meilleur. Ah, je sais que j'ai réussi, mais c'était pas rapide. Hein. Bon, alors attends. Ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer d'imaginer de faire, c'est que chacun d'entre nous va essayer et le meilleur chrono sera le chrono référence, en fait. Donc, si vous arrivez à battre ce chrono, vous pourrez repartir avec des cadeaux. T'essayes, Sabri? Hein? Tu es prêt ou pas? Attends. Alors, je te chronomètre, toi, Keshi. Tu le lis au rythme que tu veux, mais il faut que ce soit compréhensible. Ok, okay. On y va? 3, 2, 1. Ah, c'est Keshi. Top. Sale chasseur âgé aux yeux chassieux, sachez chasser sans chien, chose aisée. Ce chat chauve caché sous ses six chiches, souche de sauge sèche. Tu dis quoi? Mais il a déjà perdu, non? Et il a 10 secondes. Mais en plus, il a bugué alors, sur. Alors, quand tu bugs sur des mots, normalement, t'es censé reprendre la phrase. Ok, tu veux essayer, Choco? On y va, c'est parti. Donc 10 secondes pour Monsieur Kesh. Ok. On y va. 3, 2, 1, Choco. Sage chasseur, âgé aux yeux chassieux, sachez chasser sans chien chose aisée. Ce chat chauve caché sous ses six chis souches de sauce sèche. Mais non, il est pas bon. 11 secondes, 12 secondes 23. 12 secondes 23. Qui essaye? Nessie. Je suis pas doué pour ces trucs-là. Bon, allez. Hugo. Bon, j'essaye, vas-y. 3, 2, 1, top. Sage chasseur âgé aux yeux chassieux, sachez chasser son chien, chose aisée, ce chat chauve caché sous ses six chiches souches de sauge sèche. 9 secondes. Ah non, au final 10 secondes 32. Ouais, mais sans bugger, sans bugger. Alors à toi, attention, Yannick. J'essaye de le lire. Il aime ça les 10... challenges. Tout le monde a retenu son temps. Oui. S'il vous plaît, vous retenez votre temps. J'essaye le mien. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Sage chasseur âgé aux yeux chassieux, sachez chasser sans chien, chose aisée. Ce chat chauve caché sous ses chichiches, souche de sauge sèche. Tu as dit chichiche. T'as dit chichiche. Mais c'est ce qui est marqué. Sont comment? C'est marqué. 6 chichiches. 6 chichiches. T'as dit chichiche. Ah ouais, tu as dit chichiche. Non, et les enfants, et. Écoutez-moi. Chichiche. Tu dis 6. Chichiche. Parce que tu aimes 6 et. Ok. Non, c'est moi, je dis 6 chiches. Ok. C'est valable, je suis désolé. Non, t'as dit chichiche. Reprends-le. Non mais les gars. D'où tu décrètes qu'il y a un débat à chaque fois. Mais c'est incroyable, c'est parce que ça vous énerve en fait que j'ai réussi. On essaye. 3, 2, 1, Hugo, deuxième chance. Top. Aïe, attends. Mais non, pas top, j'ai perdu le message. Ah. Vas-y, c'est bon. Attends, j'efface. Top. Sage chasseur, âgé aux yeux chassieux. Sachez chasser sans chien, chose aisée. Ce chat chauve caché sous ses six chiches, souche de sauge sèche. Lui aussi, il a dit six chiches. Mais oui, non, mais pas chichiche. Il a dit chichiche, ou dis-vous. Il a dit chichiche. Oui, mais c'est six chiches qu'il fallait dire. 9 secondes 66, je réessaye. En ouaille. Ok, on ne garde que le meilleur temps. Ça marche. Mais attends, je chronomètre pour toi. D'où tu te chronomètre, toi? Et ce temps, vous aurez à le battre. C'est parti. Attends. 3, 2, 1. Sage chasseur, âgé aux yeux chassieux, sachez chasser sans chien, chose aisée, ce chat chauve caché sous ses six chiches, souche de sauge sèche. 8-26. Anchois. Tu veux essayer ou tu vas le remixer, toi? Non, tu vas mixer plutôt. Ok. 8 secondes, 26. Ça veut dire que j'ai encore amélioré depuis le moment où vous chipotiez. Celui qui me bat ce soir repart avec des cadeaux. Qu'est-ce qu'on lui offre? Place de cinéma. On va rajouter également des places pour Tarus Riley si vous êtes en Martinique. Mais un enjeu personnel, là. Qu'est-ce qu'on offre? Ta casquette. Ah putain, ça me fait chier ma casquette. Ça me fait chier la casquette. Vous débarquez au 0820-203-200, on vous poste la phrase sur les réseaux sociaux pour la reprendre. D'ici là, appel au cocoteur. Voici la hotline, on appelle... J'ai toujours... C'est toujours ça. Pas. Bon, compose le numéro de téléphone en direct. C'est l'appel au cocoteur. On revient derrière avec Big Baby et Lil Wachi avec Brocoli. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Voici la hotline des cocoteurs de ce soir. Allô? Allô? Oui. Oui, je te dérange pas, c'est Sarah, on s'est parlé sur Coco. Oui, ça va? Ouais, tu fais quoi? Ben moi, je suis là. J'étais sur le chat, je regardais ce qu'il y avait, mais bon, je suis où ce travail-là. Et t'aurais envie de me faire quoi si j'étais avec toi? Il y a des chipotes. Ouais, tu fais quoi ce soir? T'es disponible ce soir? Je te propose qu'on se voit direct. Ah, putain, je suis toute mouillée. Ah ouais. Et t'as déjà eu beaucoup d'expérience? J'ai été libertin un peu en métropole. C'est pas vrai, tu es libertin toi aussi? Ben je suis libertine. En fait, pour tout te dire, j'ai une petite statue de la liberté chez moi et de temps en temps, je me l'insère. Et toi? Voilà, soumission, domination, mais c'est des soirées plutôt libertines, échangistes, mélangistes. Ah d'accord, autant pour moi. Toi, tu parles de soirée et de club libertin. Moi, je parlais d'insertion de statut de la liberté. Aïe, aïe, aïe. Tu veux que je te fasse comme une petite salope? Attends, je vais me l'insérer justement. Et en fait, c'est un jouet, donc il y a la voix de Barack Obama qui parle en même temps. Écoute, j'insère ça. And may God bless the United States of America. Ah. Ça va? Oui, ça va. Attends, je sors ça et je re-rentre encore. And may God bless the United States of America. Génération 9. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. C'est pas tout à l'heure. On a du Hey Baby Allo. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Du délire dans la Trace Radio aussi. Du sexe, on en parlera tout à l'heure. Mais voici Brocoli. Reviens sur Trace FM, à tout de suite. $30,000 for a nigga to get free. I just hit Rodeo and I spent like 10 G's. I just did a show and spent the check on my mama. Génération 9-7. And I keep like 10 phones, then I'm really never home. All these niggas clones tryna copy what I'm on. Nigga get your own, tryna pick a nigga bone. Work the brother skill.

Afin y'a qu'à prendre y'a qu'à jamais ton cas qui y'ont trié. A quand mélange les affaires, en moi y'a vêt à y'on des bitch. En disant des tonataires, allant qu'à poser y'on des mint. Continue en délit, continue en délit. Afin y'a qu'à prendre y'a qu'à jamais ton cas qui y'ont trié. Continue en délit. Génération 97. Arrête à barrer qu'à faire y'en crier why why. Pour que toujours vous me cachez dans ma why. Puis chaque gagne nous et puis c'est y'en bye die. Ainsi y'en pinaté, nous qu'en fait y'en bataille. Aïe aïe, va qu'en pas m'en wait aïe. Aïe aïe, au soleil c'est white die. La scan qu'a veillé donc ouais même pas tout seul. Pas les 10 plaquettes difficiles d'y lâcher. Mais la plupart d'y c'est des pattes doucettes. 30 minutes m'en fait 10 clients. Pendant chitou à café la poussière. Si m'en pas mettez la maman à l'aise. Dis-moi qui moun qui qu'elle a pour faire. Snoopy et puis moi donc m'en pas tout seul. Mad Max et puis moi donc m'en pas tout seul. Si frère qu'a grandi et pas tout seul. Donc pas autre Kevin il dit moi ça pour faire. Faut j'ai un clan moun c'est ça nous paie. Donc normalement m'en pas qu'a fait nous paie. En bas bloc à deuxième gant ouvert. Moi et puis chauvet donc m'en pas tout seul. Aïe pas qu'a passer con à la bas. Frappé la jam et personne pas la bord. La manque avant nous nous à baba. Y'en qui la frappe à mon lit. Qu'on a mal à bord. Fille a abusé, on veut des jambes libres. Donc il sa vie pas besoin faire la bise. Rivez madame qui gère la crise. M'en crier l'uso pour m'attraper Cavani. Zot qu'a pas dit ça, zot pas qu'à vivre. Maman pas besoin raconter ça m'en fait. Frangin qui est toujours passé à vos fesses. Ma frère doucement s'attraper en balle en tête. Si frère t'es qu'à garder le grand frère feuille. Actuellement en bas cité y'a qu'à bibi. Pesti bou pas t'es qu'à ban en trap là. Mais quoi moi à présent tout ça fini. Peu importe chip la queue ou qu'à attraper. Depuis Cavani c'est toujours la même. C'est celle qui m'a le mes coups de sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, putain creuse. BNL qui sera bientôt de passage aux Antilles-Guyane. Mes rêves se ravis. Ce soir t'es pas coiffé comme BNL Hugo. T'as pas mis assez de gel. Leur offrir tous ses rêves, on va brûler. On revient avec du sexe confessionnal tout à l'heure du Hey Baby Allo. On revient avec les breaking news également du jour dans Génération 97. Real talk, real mix tous les soirs dans la trace radio. Non, non, ok, je m'en balai. Comme une clope dans la. C'est pas ça, voir ma. I got two. And start the foreign, oh my god, I'm gorgeous. I just put the key inside my pocket. Might not get to see it. This a new Ferrari man in the big mirror. I can choose the ball if someone said calling. I don't feel like talking. What? Everything could get returned the way I bought it. Phone be interrupting me while I'm recording. Phone be making women feel they unimportant. Call my doggy, say it's all the way retarded. Keep the all cause I am not using the form. In kitchen, I just finished up a new perform. Hater, wish you well. I got clientele. I just got it off the scale. I got two. Plug and one for the load. I got two phones, one for the beaches and one for the dough. Think I need two more. Lamb popping on ring, ring, ring. Count money while they ring, ring, ring. Génération 97 0820 203 200. Le soir, tu as la parole sur Trace FM 100% Radio Libre. Merci d'être avec nous dans Génération 97. Tout à l'heure dans le sexe confessionnal, on parlera de quoi? L'escapade coquine en voiture ainsi que les lieux insolites. Check Alex.

out it. Baby, in your eyes, I read it. Then in bed, you like to get mistreated. You can try to forget, but you can't delete it when I eat it. Tu baila como una descarada. Eso me encanta. Dale, baila, que riga. Tú bailas como una descarada. Eso me encanta. Dale, Génération 97. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. Merci d'être là, Mala Guadayana. Tout à l'heure du sexe confessionnal, on parlera de la voiture. Vos petites anecdotes, vos petites expériences personnelles sur la bagnole, les marques de bagnole que vous avez déjà testées. 0820. Est-ce que c'était un petit pip pip ou bien un gros pum pum? Dans un camion, c'est forcément plus confortable de faire des trucs. Ouais. Moi, j'ai jamais fait dans un camion. Dans un camion. Bah ouais. Parce que le risque. Tu es camionneur. Parce que le risque, voilà, c'est le camionneur. Si tu fais dans un tu camion. Tu rêves de faire vivre une expérience camion, exceptionnelle. Un gros camion. Ah oui, non, je parle pas du sexe. Tu tout. Sais, non. Quand je parle d'un camion, parfois je parle vraiment d'un camion. Non. Alors toi, tu te fais visiter par des camions. Garage à bide, va. Mais tu sais, c'est des camions, mais il y a plusieurs camions. Hashtag G97, hashtag TraceFM. On en parlera tout à l'heure. Moi, j'ai déjà testé dans des bagnoles avec de l'espace, mais une bagnole sans espace aussi. Je vous expliquerai comment. Une Mini. J'ai réussi dans une Mini. Et c'est pas si compliqué que ça. Avec ta Fiat 500, tu pourrais y arriver. Hein. C'est vrai ? Ouais. C'est vrai que j'essaie. Je vais réessayer. Je sais pas. Il faut que je t'explique d'abord quand même. Hein. Ouais, ouais. Hashtag G97, hashtag TraceFM. T'as déjà essayé sur une moto ou pas, Kesh ? Oui. Je le savais. Ouais. Mais pas la mienne. J'imagine bien. La moto ou la meuf ? Non, la moto. Les deux. La moto. On en parle tout à l'heure. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820 203 200. D'ici là, breaking news. Breaking news. On commence par faire la minute Johan. Oui, alors déjà, il y a toute une polémique sur les réseaux sociaux. Il y a une vidéo de Johan dans son cercueil près de sa maman. Enfin. Ouais, il y a eu des lives Facebook qui ont été déclenchés en fait pendant la cérémonie d'enterrement. Voilà, avec la des mère. Lives carrément. Ouais, il y avait du live Facebook. Ouais, quoi. Avec la mère très affectée à ses côtés. Et la vidéo a circulé et elle a outré pas mal de gens. Beaucoup crient au manque de respect. Et d'autres trouvent que c'est bien quand même en fait en même temps de montrer la douleur en fait des proches. Tu vois, ça polémique beaucoup. Il faut savoir un truc, c'est que aussi forcément l'instruction judiciaire a commencé en ce qui concerne le tueur présumé en fait de Johan Equinox. Et visiblement ça aboutit à quoi en fait? Alors on dit que le jeune garçon aurait été transféré à la prison. Ah, c'est confirmé. Ouais. De Ducos. Donc il a été reconnu coupable. Oui. Ouais, pour des raisons de sécurité. Alors il a été transféré en Martinique. Il n'a pas encore été jugé. Il a été déplacé en prison. En Martinique, parce que sa sécurité était en danger. Voilà. Et puis c'est ici que ce sera mieux. Je sais pas si ce sera mieux finalement. Hashtag G97, hashtag TraceFM, d'autres élans de mobilisation. Oui. Concernant Johan, alors il y a deux communiqués, il faudrait qu'on sache le vrai du faux. Donc il y a une arnaque. Apparemment, on parle d'une cagnotte Litchi. Ouais, Litchi, vous savez, c'est ce site où vous pouvez tous donner un petit peu d'argent, notamment on l'utilise beaucoup Litchi, soit pour l'anniversaire, l'enterrement de vie Pour faire des amis sauter en parachute. Par exemple. Alors, c'est censé aider la mère de Johan et jusqu'à présent. Donc il y a un appel au don sur Litchi, en fait, voilà. Il serait une arnaque. Voilà. Il y a eu 4000 euros déjà de recueillis. Seulement, il y a un autre communiqué que j'ai reçu à l'instant, me disant que c'est vraiment la cagnotte destinée à la famille de Johan. Alors, ouais, ils n'avaient peut-être pas encore contacté la famille. Alors, surtout, ce qui est super important, en fait, c'est de contacter la personne qui a eu cette initiative du litchi.com. Parce qu'à un moment ou à un autre, si ta volonté est légitime, si ton initiative est légitime, bah, fais-toi connaître. Au contraire, c'est vrai que ça donne pas confiance de donner de l'argent sur Internet, déjà d'une. Si en plus, c'est un peu nébuleux, on comprend pas forcément qui est derrière, ça va poser un autre problème. Si l'objectif est véritablement de réunir des fonds pour essayer d'aider la famille. À un moment ou à un autre, faut vous faire connaître. Tu peux pas ouvrir juste un litchi.com. J'imagine quand même mal des gens usés. Enfin, en même temps, l'être humain est tellement bizarre. Mais... tout le monde profite du malheur pour s'enrichir ou autre. Non, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Ouais. Oui, mais voilà, mais tu peux pas dire tout le monde déjà. Tu dis que c'est sur litchi.com, on va jeter un petit coup d'œil, on va regarder vous-même. Hashtag Génération 97, hashtag Trace FM. D'ici là, il y a quoi d'autre dans les breaking news? Oui, du côté d'SLM, excuse-moi de te couper la parole. Du côté d'SLM, la semaine dernière, il y avait eu... depuis quand on s'excuse dans cette émission? On s'excuse pas, allez, vas-y. Allez, tiens ça dans ta face. Du côté d'SLM, la semaine dernière, il y avait eu des échauffourées entre les gendarmes et les habitants de SLM qui se sentaient un peu agressés par les comportements des gendarmes. Une arrestation qui s'était mal déroulée. Le maire même s'en était mêlé et par rapport à ça, une enseignante a communiqué son désarroi, en fait, a été un peu énervée sur les réseaux sociaux. Et je la cite, « Si nous, métropolitains, on n'était pas là pour les éduquer, vos enfants, qui le ferait ?» Mais c'est pas écrire, c'est pas une prof de français, ça. Elle est peut-être pas prof de français, mais en tout cas, elle sera plus prof à SLM parce qu'elle a été relevée de ses fonctions. Ouais. Et ses élèves sont surpris parce que c'était une prof apparemment très sympa. Ses collègues la trouvaient très sympa aussi. Est-ce qu'on a des élèves de sa prof, de cette prof, éventuellement derrière la radio Là, pour l'instant, ils réagissent, mais bon, ils veulent pas trop s'exprimer à l'antenne. Donc, on espère que les langues vont se délier dans le courant de la semaine. Mais pour l'instant, cette enseignante ne pourra plus enseigner à Saint-Laurent. Et l'autre souci, c'est qu'un site internet a publié les photos de l'enseignante avec sa famille. C'est-à-dire ? Une photo de famille avec son mari et ses enfants. Et ils ont balancé ça sur internet. Voilà l'enseignante qui a publié le... Et son mari est gendarme, donc ça n'arrange rien. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820, 203-200 également sur le net, www.trace.fm. On va faire du Hey Baby Allo dans un petit instant. Voilà celui de vendredi avant qu'on appelle en live ce soir. C'est Kalash qui piège tous les soirs dans Génération 97. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'était vendredi, le nouvel appel de ce soir. Il débarque dans quelques minutes. Et allô? Allô. C'est une blague. C'est toujours ton numéro. Je n'ai pas pu me retenir, je sais. C'est quelle radio qui fait ça? On m'a dit que t'as un enfant. Penses-tu à moi dans ton lit? Tu veux que je t'insulte, c'est ça? C'est bien fait, c'est bien fait. Je m'entends que tu mets tes mains. Allô, allô. Et c'est qui fait la blague? C'est pas moi. Ça c'est Trace FM. C'est pas moi. Allez, bonne soirée. J'ai pas fini petit pédé. Bon, vous avez craqué les gars. Alors c'est qui? C'est Trace FM. Tu raccroches dans une seconde. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais t'enculer avec le bois que ta mère m'avait prêté. Au revoir. C'était vendredi. Le nouvel appel dans un petit instant dans Génération 97. Le soir, ta radio se lâche. Tu peux tout nous dire. Trace FM, Génération 97. Ta liberté d'expression au 0820 203 200. Freely, c'est pas moi. Yo, quand je cherche preuve pour mettre ma ginger. Ginger. Police l'a dit que mon café t'observe. Pété pote là, marre moi, dis-moi, on y doit, c'est la peine. Chiche là, les enfants, moi, la joie comme plus mineur. Oh, 8h du matin, tout connaître ça. Ou j'a connaître nous même nous pas des lance-bas. Ou parlez pas les garçons. Allez dormir l'ennui de la vie par les sons. Yo cache je preuve, vous mettez ma ginger. Ginger, ginger. Police la dit que mon café trop zèle. Pétez pas de là. Marie-moi, dis-moi, on y doit en serrer la peine. Chiche là. Mon frère qui l'a joué la fio. Mon vado parmi fio. Mon rail c'est mettez le vel à ton prédit. Ton pique la radio cabaye ton dépôt plein de gaffe. Pour mon frère qui l'a joué la fio. T'as la femme qui fio. Mon rail c'est mettez le vel à ton prédit. Ton pique la radio cabaye ton dépôt plein de gaffe. Ça rabaille rendez-vous centre pénitentiaire. Si mes bas nous semi-liberté, permission, refusé, maudit, rien nous pas fait. Surtout là, yo talon est pour pousser. C'est bête à la cababo maltaine. Enfin, bas de baïa carré dysopie. Surtout l'on pas guest pour la tête. En camane, bise et tirer une haine. Pour son friend qui l'a joué, la fuyo. Pompi DJ fuyo. Pour essayer de mettre le vel à triton, petit ton pique la radio, cabaye ton dépôt plein de pour mon friend qui l'attend la frio. Mon pado t'a la frio. Mon rail fait mettre le bala. J'ai ton petit ton pifara ton papa. Et ton époque la gaffa. Prenez coup à coup. Parmi moi toujours du moins. Prenez coup à coup. C'est y'a pas du tout deuxième. Que nous capoter les coups. Prenez coup à coup. Prenez coup à coup. Parfait grimace. Grimace. Les nous cabons au bout. Parfait grimace. Grimace. Les nous cabons au bout. Même si deux minutes après. Au cas où elle a t'a qu'à tourner. C'est la vie qu'on mène. En balade c'est pas du plaisir. Mais ça fait 2-3 jeunes. Mais ils étaient où t'es qu'à fond pas les cours et t'es l'eau. Mais ils y en deux aussi qu'à fond pas. Chacune de nos sorties c'est fallait m'engarder. Les grands de ce lien mes voyous veulent l'engranger. Car O2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchons dans la taille et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro million. Et prendre les spin like windmill, then Judy can feel them up. to the hill. Daniel Neff said, I'm saying Frenchman and kill the ball and a scream when shots start to drill them. Mash up them bones, Dr. King can rebuild them. Come up on your chest and go on like you are still men. Da ta ta ta ta. Look at a shot. Pussy cutter. You tell me you's a bad man and you tell me you's a shatter. You never pass a gun, you never sell a party water. Pretty rich on me, man, me I go smoke you like a maca. Idiot. Pussy cutter. You tell me you's a gangster, you tell me you's a shatter. Big bad DJ. Catch me. They cry creep. Me book a girl in at the club in a VIP. But she have something for give me she kind of. Don't try to bother use the kindness like me. Me then be still a G. The girl them nowadays a figure show ID. Girl under age a waffy climb tree. No reach consent a waffy why me. Waffy why me. But I get the ID. See me and me crew a waffy join we. Guess she no know say that me grimy. Can guarantee a only one wife is she. Me no want a wife is Lord. Tout blanc au défait. C'est le naturel qui te revient au galop. A essayer quoi infidèle, elle est la gomeillon. Toujours ni la dalle, toujours ni les coups à capette. Tous les samedis après-midi, chérie, je vais prendre l'air avec vagabonde. T'inquiète, je rentre pas tard, promis, j'ai dit. Mission accomplie, doublage en moins que 10 ans. Non, y'en pas qu'à y prendre les grands cailles, pêcher l'envie. En pas qu'à y prendre les grands cailles, chasser Bambi. Les bladages, animaux, parfaits, ça bandit. Mais vous pouvez pas résister, l'autre ouais, forme la splendide. You're the money, please, femme, qui nomme. En l'air la tête, you're the money, please, femme, qui nomme. You're the money, please, from Kinom. Come à la belle, please, from Kinom. Big cue de rappel, you say, please, from Kinom. On l'est la terre, please, from Kinom. From célibaté, you're the money, please, from Kinom. Come à la belle, please, from Kinom. Big cue de rappel, pour Gisèle, les pédis, ou à qui voyant, j'ai essayé. Souvent, beaucoup, pour mon physique, mais pas envie. Pas dans l'homme et tout le monde l'en itaille. Même si il a acheté les villages en papa. Me have a dozen gal across the road. Gal look good in them clothes. Jungle gal them I got bang. Girls are juice land. I bang 30 and strong. Aki walk me she a weird pan. She a weird pan. Bang wedding plan me. She a weird pan. Bang bang sexy and round. Bang bang a weird pan, she a weird pan. Aki walk me, she a weird pan. She a weird pan. She a weird pan. She a weird pan. Aki walk me, she a weird pan. She a weird pan. What a girl from Cassava. Well, what a girl in a the grand city. Money if you make. Money man a look sot. Money, yeah man. Money, money, money, money, money if you make. Push it. Money man a look so. Money man a look so. Money book it. Money up. Money up. Money up. Money up. Make push it. Money man a look. Man a look. Money man a look so. Songs like these, like people let me. And also to my flow, them and them to me. Pattern and me style, and me, me, me. Just to get them autographs, sign them, come on. Money we a look, we have the anti-testimony. Wait, no type the money, scale, balance, I eat a fluctuate. Hungry? No, sir. Food a fiend, a pina. That a fit up, another nazi, not that you have. Yeah, man. Money a fool, money a fool, money a fool, make, make. Push it. Money man a look, sir. Money man a look, sir. Money, book it. Allô, bébé, comment tu vas? Allô, chérie, comment tu vas? Voilà qui annonce le Hey Baby Allô qui arrive dans un instant. Mais signé Kalash, celui-là. Mes affaires sont dans la poubelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourrais-je tout donner? Une faute avouée, à moitié pardonnée. Ah, j'ai tout donné. Aujourd'hui, mon royaume s'est écroulé. J'ai toujours espoir. S'il te plaît, ma chérie, ne me laisse. Je vais monter l'estrade. Si tu me laisses, mon cœur reste là. Non, je peux pas le nier. Aujourd'hui tes problèmes sont les miens. Non, je peux pas le nier. Tu me tends ta main, bah je te tends la mienne. J'ai déconné. Le DJ attitré de Génération 97, Tijo Sound. Ils t'ont dit ça. Réclame des titres à hashtag G97, hashtag Trace FM. Allô. Trace FM. Trace. Génération 97. Génération 97. La libre antenne des auditeurs. La parole. Premier invité de la première Génération 97 live de cette nouvelle saison de Génération 97. Bad Gal. Bad Gal CCL. Aïe aïe aïe. De la queue. La queen de la hat, la queen. La queen de la hat, la queen. La queen de ma hat, de ma hat, de ma hat, de ma hat. Oh. Cécile sera notre première invitée de la Génération 97 Live. Est-ce qu'on a la date? Sûrement. Cécile qui ouvre le bal des artistes reçus dans le studio. Ça sera dans un peu moins d'une quinzaine de jours. Ça sera à la fin du mois de septembre. Tiens, au passage d'ailleurs, on recevra Meryl aussi demain soir. On aura un petit entretien également avec Tamilia, vous savez, la petite nana qui a déchiré The Voice Kid. Elle est d'origine saint-martinoise, on la connaît, elle est demain soir au standard de Génération 97. Et Cécile, pour première invitée de la Génération 97 Live, le rendez-vous est pris. Dans un petit instant, Kalash piège un nouvel auditeur. Vous nous envoyez les numéros de téléphone, les traceurs. 0820 203 200. Que la personne aime Kalash ou qu'elle la déteste, en fait l'idée c'est véritablement d'en profiter. Ok, vous nous donnez les numéros de téléphone et on vous appelle. Ouais, on fait du Hey Baby Allô dans un petit instant. D'ici là, il y a du défi dans la Trace Radio. Qui nous rejoint? Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Tu nous appelles d'où? De Fort-de-France. Tu es prête à te faire humilier? Est-ce que tu as la phrase en face des yeux? Oui, tout à fait. Le défi de ce soir consiste en une phrase, un peu compliquée. Le record à battre est pour l'instant de 8 secondes 26 centièmes. Ce record, d'accord, évidemment détenu par moi, super connard. D'où ce côté un peu arrogant, ce côté un peu hautain. Mais peut-être vas-tu réussir le challenge. Es-tu prête? Respire. Oui, tout à fait. Pas de haut-parleur. Pas de kit main libre. Pas de haut-parleur. Ouais, il faut que tu coupes le haut-parleur, qu'on t'entende bien, distinctement tous les mots en fait du défi. Attends. Pas de problème. Ouais, il faut qu'elle trouve un moyen de lire le message ailleurs. Alors voilà. C'est bon. Non mais là il y a un petit écho. Mais bon, je m'en contenterai. Ok, pas de problème. Tu prêtes? Oui. Je te donne un décompte de 5 à 0 et je te lance. C'est parti, tu dois faire mieux que 8 secondes 26. Record détenu par moi. On y va, attention. 5,

just rushing on. I don't need no reason. Don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Des gens heureux, ça. Ou alors c'est la chanson qui rend les gens heureux. L'un ou l'autre, l'un des deux. Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling sur Trace. Merci d'être avec nous dans Génération 97. Mada, Guada, Yana, une chose est sûre, le soir vous n'avez plus le choix. Génération 97, le soir. Le soir. La première libre antenne des Antilles Guyane est sur Trace FM et nulle part ailleurs. 0820 203 200. Appel. Elle s'appelle Sarah. Elle croit pouvoir défier le boss. Le boss. Un peu se la péter. Le boss, c'est moi. Aujourd'hui enregistré en présence de Jean, c'est donc officiel, je fais 8 secondes 26. À ta dernière tentative, tu as fait 10 secondes et quelques centièmes, ok? D'accord. Il y a des gens qui essayent sur le web, même si vous me battez sur le web, je veux vous avoir en live pour éventuellement valider votre défi. Tiens, regarde, écoute, là il y a une petite tentative assez rigolote, écoute bien, hein. Je te dirai son timing après, hein. Sage chasseur, âgé aux yeux chassieux, sachez chasser sans chien, chose aisée. Ce chat chauve, caché sous ses six chiches, sa mère, six chiches de sauge sèche. Alors juste pour information, nous tairons éventuellement et nous conserverons l'anonymat de Christophe. Christophe, 15 secondes minimum. 15 secondes minimum. Déjà, a priori, Sarah fait mieux. Mais il y a une tentative, et pareil, pour valider votre défi, je veux l'entendre en entier. Je dis ça, je dis rien. Ça, je chasserai, je sache que ça, c'est chassé sans chien. Chose aisée, c'est sa chauve cachée sous ses six chiches, sous de sauge. Oh, il n'y a pas la fin. Quel dommage. Quel dommage. Elle avait l'air bien partie. Sarah. Oui. Tu es prête? Attends, j'en reste une minute. Une minute, une seconde. Respire. Respire. Attends, je la chronomètre parce que je te soupçonne. Oh, les gars, le temps. On n'en est plus là, les gars. Merci. Vous me fatiguez, les gars. Ça va, tu es prête? J'ai pas besoin de tricher, oui, je pour suis vous prête. Battre, bande de mecs. Allez, allez, elle est prête, elle est prête. Alors, alors on y va, c'est parti. Non, on va te donner un décompte. Ne t'inquiète pas. On va te donner un décompte et on va enregistrer. Branchement son, Dolby Surround, stéréo. On y va. 5, 4, 3, 2, 1. Vas-y, c'est parti. Chasse chasseur, âgé aux yeux chassés, sachez chasser son chien, chose aisée, te chasse chauve caché sous cette petite chiche de sauce pêche. Ouh, 5 secondes 45. Alors attention, moi j'ai une question. J'ai une question. Est-ce que vous avez entendu tous les mots de cette phrase? Non, mais oui. Est-ce que... Attention, soyons clairs sur une chose. Bien prononcer, c'est une chose. Dire toute la phrase, c'en est une autre, ok? Non, j'ai prononcé. Arrêtez, c'est pas vrai. J'ai bien prononcé. Je vais te demander de le refaire. Il faut que chaque mot soit intelligible. Après, moi, ça me dérange pas de perdre. C'est pas ça le problème. Je sais que vous êtes bien en dessous du niveau. Tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas perdre. Je n'aime pas perdre, c'est certain. Il a rougi. Non, mais je n'aime pas perdre. Mais par contre, je veux que le truc soit validé dans l'art. Moi, okay, j'aime pas quand il se vole sur moi. Tu coupes ton haut-parleur, s'il te plaît. J'ai pas de haut-parleur. Je veux entendre ta voix distinctement. Ok, je veux entendre chacun des mots. J'ai la phrase en face de moi. Chacun a la phrase en face de lui. Et on chronomètre. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, go. Top. Attends, excuse-moi. Attends, excuse-moi. Je viens de constater un truc en fait. C'est que dans ma propre équipe, Yann Fiotte, comme dirait Serge Aurier, qui ne chronomètre qu'à partir du moment où tu parles. Quand on t'a donné le top, il faut que tu y ailles. D'accord. Mais elle entend pas en fait quand on dit top. Parce pas... Attention. Ouais, voilà, parce que moi, en fait, il faut que je regarde en même temps. Je constate que dans mon équipe, il y a une deuxième Fiotte. Mais c'est vrai, tu dis top, elle parle pas. Je suis désolé, moi je suis prêt à valider ce défi, il n'y a pas de problème. Mais par contre, arrêtez de mettre les gens à leur aise. C'est-à-dire que concrètement, le défi, c'est on lui donne un chrono. Elle part, elle démarre et elle réalise son chrono. Il n'y a pas de on attend si elle en a démarré une minute après. Usain Bolt est pas encore parti, qu'on ne démarre pas le chrono. On y va, c'est parti, concentre-toi. Allez, chrono. 5, 4, 3, 2, 1, top. Chasseur âgé, aux yeux chasseux, chasser son chien, chose aisée, se chasse chauve, casser sous ses six choses, touche de feu sèche. Tu valides pas, Keshi? Non, elle a dit chose. Elle a dit chose. Au lieu de chiche. Tu as un dernier essai si tu veux. Ça faisait 7.33. Tu as un dernier essai si tu veux. Allez, non, j'ai mal. On y va. 5. Reprends ton souffle. Tu vises bien chaque mot. Fais attention à ce que Moi, je pourrais pas vous aider. J'arrive pas à lire la phrase, déjà. On y va. Concentre-toi. Attention, dernier essai. 5. D'accord. 4. 3. 2. 1. Alors j'apprécie parce que t'accélères. Chaque fois t'accélères, mais elle ne dit pas tous les mots. Et d'ailleurs, véritablement, pour que je sois légitime et que tu sentes que tu as perdu, je vais le refaire, même en moins bien. Même en moins bien, juste pour que tu te rendes compte. Non, mais c'est pas grave. Non, faut pas abandonner comme ça. Attention. Tu me donnes le décompte. Hugo, tu es prêt? Je suis prêt. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Sage chasseur, âgé aux yeux chasseux, sachez chasser sans son chien, chose aigée, ce chose... J'ai merdé. Je reprends. Et moi, quand j'ai merdé, je reprends. Ok? Je dis ça, je dis rien. On y va. 3, 2, 1, top. Sage chasseur, âgé aux yeux chassieux, sachez chasser sans son chien, chose aisée, ce chat chauve, caché sous ses chiches souches. Putain, tu as du mal, hein. Alors, je vais te stopper. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu dis chant sans son chien. Il n'y a pas sans son chien. Il n'y a pas le sens, il n'y a pas le son. Il n'y a pas son. On reprend. C'est parti. Top. Sage chasseur, âgé aux yeux chassieux, sachez chasser sans son chien. Ah, putain! Le gars se complique la tâche, il rajoute des mots. Attends, ouais, ce jeu est trop facile. Je me piéger moi-même. Non mais ceci dit, tout à l'heure, je l'ai très bien fait et je l'ai enregistré. Je suis pas obligé de me faire chier à le redire en fait. Si, mais ça nous a Tu peux chronomer? Tu peux chronométrer? Vas-y, je chronome. 4, 3, 2, 1, top. Sage chasseur, âgé aux yeux chassieux, sachez chasser sans chien, chose aisée, ce chat chauve caché sous ses six chiches, souche de sauge sèche. 9.38. Ok, c'est moins bien comme score. J'ai fait tout à l'heure 8.26. Mais on va garder ce score de référence parce qu'il est enregistré et il est connu de tout le monde. D'accord? Ok. Et puis il est sur vidéo. Est-ce que vous validez Sarah ou pas, en toute honnêteté? Oui. Vous validez Sarah, oui? Moi, je dis... Non. Oui, parce qu'en fait... Non, elle est déjà bien partie. Non, mais attends. Tu peux dire ça dans le micro, s'il te plaît. Attends, tu as regardé les Jeux Olympiques ou pas? Mais évidemment. On dit, ah, il a bien couru, mais il est arrivé dernier. Il devrait avoir la médaille d'or. C'est comme ça que ça se passe dans les Jeux Olympiques? Non. Sarah, tu es prête à un dernier essai ou pas? T'es sérieux, là? Oui. Elle a même plus la foi. On y va? On est quoi? 5. Attends. Mais c'est justement, je suis déjà malade là, je pense sur moi pour faire ça. Là. Oh là là, tu nous fais la petite histoire. C'est les Jeux Paralympiques, c'est pas mal. Oh, c'est trop mignon, tu sais, la meuf. Elle va nous faire pleurer. Je bois de l'eau alors qu'il n'y a même pas d'eau chez moi. Oh, que j'étais obligé de la chercher à la rivière à côté avec mon seau. Oh, alors que c'est même pas un seau, c'est une passoire. Oh, non, mais c'est pas rien, je contrôle ma gorge. J'ai mal à la gorge, en fait. Chut, respire. Bats-moi. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Chasseur, âgé aux yeux chasseux, sachez, sachez. Merde, attendez. Vas-y, reprends ça. J'y arrive plus. À chaque erreur, t'es censé reprendre hein, au début. Hein. Non, mais c'est bon. Allez. Reprends une dernière fois. Allez, c'est parti, on y va. On n'abandonne pas. 5, 4, 3, 2, 1, top. Sache chasseur âgé, osé chasser, sachez chasser ton chien. Chose aisée, ce chat chauve, caché sous cette fiche touche de sauce sèche. Pas mal. C'est bon. 8 minutes, non, 8 secondes. Alors, moi j'ai 8 secondes 52. 8 secondes 52. On a quelques centièmes de différence entre toi et moi. Je te propose. Ouais, mais c'est normal, t'as vu le nombre de fois que tu m'as fait répéter ça. Oh, genre, c'est de ma faute. Si, un peu quand même. Oh. Je te propose une finale sans précédent. Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu avant. On va la faire demain. En début d'émission, rendez-vous avec toi et avec tous ceux qui veulent relever le challenge. Apparemment, selon les deux chronos qu'on a, soit tu m'as vaincu, soit tu as perdu. On va laisser ce chrono en fait planer et demain soir on en aura le cœur net. Toi contre moi en one by one. Ok? Si tu gagnes, j'ai rien compris. Toi contre moi, une personne contre une autre. Ok? Si tu gagnes, je te donnerai quelque chose auquel je tiens. Si je gagne, je repartirai avec quelque chose auquel tu tiens. Ah bon? C'est le pari. À demain, ma chérie. 0820-203-200. Le sexe confessionnal débarque dans un instant. On parlera des expériences dans la voiture. D'ici là, c'est le Hey Baby Allo Kalash. Passe un petit coup de fil dans la trace radio. On sait qui on appelle ou pas? Ou on appelle au hasard des numéros? On appelle au hasard des numéros. Faut que ça décroche quand même. Hein. Donne-moi deux petits secondes. Allô? Hey baby, allô? Allô? Faut des rangs. Hey baby, allô? Allô? Tu as moi dans ton lit? Ouais, avec Pokémon, moi. C'est efficace. Trace FM. Génération 97. Le soir, il n'y a pas de limite. 0820-203-200. Mada, Guada, Yana, vous n'avez plus le choix. Just changed. It just buzzed the front gate.